qu'est-ce qui a motivé ce passage-là de la spiritualité à la psychologie? Quel est l'élément déclencheur chez toi qui a fait en sorte qu'un beau jour, bon, ben, la spiritualité, tu laisses ça de côté, la mystique, l'ésotérisme, et que tu te lances radicalement dans la psychologie? C'est quoi? C'est dur à dire. Tu n'y avais jamais pensé. Non, c'est-à-dire que j'ai toujours quand même essayé d'observer ce qui s'était passé pour pouvoir comprendre ce qui peut se passer à l'intérieur d'un autre individu à un moment donné si ça lui arrive. Parce que c'est évident qu'un changement radical, comme tu dis, de l'ésotérisme, de la spiritualité à quelque chose qui est peut-être plus proche de l'homme, la psychologie, c'est un changement radical. Puis c'est sûr que du monde, je m'attendais à ce qu'on me pose des questions dans ce genre-là. J'ai essayé de voir ce qui s'était passé. Tout ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, ben j'ai compris... d'une claque, j'ai vu la différence, j'ai vu bien des choses, puis j'ai ri toute la journée. Je travaillais, puis j'ai ri toute la journée comme un fou. Je veux dire, tout était clair, tout était bien transparent, bien visible, c'était parfait. Il n'y a pas quoi que ce soit que j'imagine qui m'a amené là. L'ésotérisme, de toute façon, j'ai passé par l'ésotérisme, la spiritualité, ces choses-là, avant d'en arriver là, ça prouve toujours que c'est des chemins qui sont bons, justement. Il ne faut pas renier, moi, j'ai jamais renié ce chemin-là non plus. Mais à un moment donné, à travers ça, ben à travers aussi l'expérience que j'ai vécue en ce qui concerne différents projets que j'ai faits, en ce qui concerne mon vécu, les voyages, tout ça, ben il y a des choses que tu apprends dans la spiritualité, que tu apprends dans les religions, que tu apprends dans les philosophies, dans l'ésotérisme, qui peuvent, la grande majorité en tout cas, qui peuvent pas se vivre ou qui peuvent pas servir dans un temps là réel, le temps que tu vis, mettons le temps d'un événement que tu vis. Ces choses-là ne peuvent pas servir. Tu veux dire que la spiritualité ou l'ésotérisme est trop abstrait pour être appliqué dans le quotidien? Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, tu vas faire une prière pour guérir quelqu'un, ben, tu vas dans des pays où c'est que le monde, ils dorment sur les trottoirs. Puis il y en a qui marchent, qui n'ont pas de jambes, ils ont une caisse de bois comme bassin, là, puis ils ont des poids pour avancer sur le trottoir. Puis, c'est un peuple extrêmement religieux. D'ailleurs, ils ont plusieurs religions parce qu'eux autres calculent que plus ils ont de religions, plus ils sont protégés. Au Guatemala, entre autres. Mais c'est comme ça pour la majorité des pays en voie de sous-développement. Parce qu'ils se développent pas bien avec l'aide qu'on leur apporte. Et puis, à un moment donné, c'est ça. Ces choses-là ne servent pas. C'est-à-dire, ils peuvent pas servir là. Ça amène une certaine confiance à l'homme. Donc, ça vient toucher son schéma psychologique. C'est que la psychologie, pas loin de là, au moment donné, ben c'est ça. Pourquoi qu'une personne ou des autobus que tu vas prendre dans ces pays-là vont être colorés d'une certaine couleur, vont avoir des crucifix, des saintes vierges, des vierges noires, des symboles inca? Pourquoi que toutes ces choses-là sont là, puis que l'autobus tombe quand même dans un ravin à un moment donné? Avec tout le monde qui prie, tout ça, qui font tout le temps ces choses-là. Ben, en fin de compte, je pense que ça a une utilité, ça amène une sécurité psychologique à l'homme, pour l'aider à surmonter des événements à travers lesquels il va rencontrer des choses qu'il ne connaît pas. Fait que ce réconfort psychologique-là est bon. C'est ce qu'on appelle souvent la spiritualité. En vivant des choses comme ça, j'ai fait de l'ambulance longtemps avec. Tu vois, à Noël, c'est une fête supposément de renaissance, mais il y a quand même du monde qui meurt le 25 de décembre. Puis... Bon, c'est normal. Sauf que si c'est normal, ça, j'en conviens que c'est normal, à un moment donné, une personne meurt. Sauf que, la religion fait quoi? Tu te promènes, tu fais du pouce sur l'autoroute, puis tu es religieux, tout ça, puis c'est le fun à mort, mais à un moment donné, s'il se met à pleuvoir, t'as beau prier pour qu'il fasse du beau temps, ça marche pas nécessairement. Puis s'il fait bien chaud, le paysan, pendant ce temps-là, qui prie pour qu'il pleuve, à un moment donné, Dieu ne pourra pas. Alors, quelle différence entre la personne qui est religieuse, qui fait du stop sur la route, qui prie et puis il n'y a pas d'auto qui s'arrête, et celui qui est psychologue en face et puis qui fait quoi pour qu'une auto s'arrête, lui? Bon, mais c'est si elle ne s'arrête pas. La jeune fille qui est légèrement psychologue peut enlever sa robe un peu, puis elle va susciter un phénomène, n'est-ce pas? Il y a un automobiliste à un moment donné, OK, ça peut aller plus loin qu'est-ce qu'elle veut, mais ça peut quand même s'arrêter à ce qu'elle voulait. C'est plus d'appoint. Elle connaît peut-être inconsciemment, là, mais est capable quand même de voir la psychologie de l'homme, une parcelle, en tout cas, de son schéma psychologique, puis elle peut agir là-dessus. Mais admettons qu'il n'y ait pas d'auto qui s'arrête, quelle est la différence entre les deux? Bon, moi, Je vais pas terminer. Okay. Pourquoi vaut-il mieux être une personne religieuse? Ou une personne à tendance psychologique, C'est quoi la différence au niveau d'être mieux dans sa peau là, dans ces deux cas-là? OK, d'accord. Il n'y a pas de différence comme telle au premier abord. La personne qui est religieuse, elle peut décider que les voies de Dieu sont impénétrables. Elle peut se donner plusieurs réponses qui fait, mais reprenons la personne qui fait d'autostop. Là. Mais c'est la même chose qu'une personne qui serait malade. Là. Je veux dire, on prend un exemple, mettons, plus banal. Là. Alors, tu veux quelque chose. Alors, moi, je veux que le auto arrête, puis ça marche pas. La même chose, je veux que quelqu'un guérisse, ou je veux être riche, ou en tout cas, bon, on prend un exemple. La personne qui est religieuse, elle peut prier, elle peut marcher, elle peut décider que, selon son enseignement religieux, que si elle a à souffrir, c'est pour payer un karma, pour payer une dette. Simplement, ça peut être aussi pour donner l'exemple. En tout cas, avant de trouver, à un moment donné, une raison qui peut concorder avec l'événement qu'elle vit. Mais c'est une raison qui n'est pas logique, c'est-à-dire c'est une raison qui n'est pas mentale, c'est pas une raison qui est intellectuelle, c'est une raison qui va lui être apportée par une connaissance antérieure, sa connaissance religieuse. Là, on ne parle pas nécessairement de la religion catholique quand même. Mais ça lui permettra quand même de neutraliser la souffrance. Exactement. C'est ça. Ça va lui permettre, parce que je te dis qu'il y a une grande différence, mettons, après ma barre, entre ces deux personnages-là. Elle a pu l'accepter en se trouvant des raisons. OK? Maintenant, la personne qui est psychologieuse, on pourrait dire, puis qui n'est pas religieuse, mais cette personne-là, elle, va comprendre peut-être un peu plus. Si sa psychologie est assez avancée, là, elle va comprendre un peu plus, parce que même quelqu'un qui est psychologue va se trouver les mêmes genres de raisons qu'une personne qui est religieuse, sauf qu'il va les adapter à sa psychologie. Au lieu de se dire « c'est parce que Dieu veut pas que », bon, je suis pas chanceux, mais la chance, il peut quand même philosopher sur la chance, puis à un moment donné, s'il commence à être en maudit, s'il se regarde, il peut se trouver des raisons, c'est parce que je suis fatigué, ou en tout cas, il peut tout étudier son phénomène, puis il va quand même aboutir à des raisons qui sont quand même proches de la religion. Bon. La personne qui comprend de plus en plus le phénomène, son phénomène humain personnel, son schéma psychologique, ben premièrement, elle n'aura pas peur. Elle n'aura pas hâte ou envie, ou à un moment donné, elle ne sera pas tannée d'attendre. Elle va marcher, puis il veut dire, s'il y a personne qui apprend, ben, à un moment donné, elle peut camper quelque part. En tout cas, c'est une personne qui va s'en aller sans nécessairement mettre de raison, vouloir expliquer pourquoi son événement se passe comme ça. Parce qu'une chose que la personne va se rendre compte en développant son étude psychologique personnelle, c'est que les événements arrivent. Les événements arrivent pas parce que. Ou pourquoi les événements arrivent. Bon, à travers ça, la personne commence déjà à arrêter de se trouver des raisons pour pouvoir expliquer, pour pouvoir calmer son bouillonnement psychologique ou émotif ou religieux. Là, c'est quand même une chose qui est liée ensemble. Alors ça bouillonne un peu, mais la personne qui s'en va de plus en plus vers sa connaissance d'elle-même va découvrir aussi l'extérieur. Tout ça est relié ensemble. La personne va simplement... l'événement est comme ça, puis... C'est comme ça. Elle n'aura pas besoin de se trouver des raisons pour essayer d'expliquer des phénomènes qui vont surgir en elle ou d'expliquer bon des émotions, des choses comme ça, ou encore l'événement même. Elle n'aura pas besoin de se trouver des raisons. Fait que si on regarde les trois personnes, c'est pas mal similaire, mettons, de l'extérieur, mais la personne qui connaît, la personne qui sait ce qui se passe, le sait. La personne qui essaye de comprendre tout ça pour trouver des raisons, la religion peut passer à la philosophie de vie. La personne qui est dans la religion, ben, va avoir encore, va être heureuse, ça va être correct. Mais il y en a une qui ne sait pas, il y en a une qui commence à savoir, puis il y en a une qui sait. Mais extérieurement parlant, les trois sont pareils. Alors, la personne qui est psychologue, elle a tendance à accepter plus facilement l'événement, sans mettre d'enthousiasme dans son attente, donc elle ne sera pas déçue par l'événement lui-même, quelle que soit la tournure qu'il va prendre. Tout le temps, parce que la personne religieuse, à un moment donné, si c'est Dieu, ou si c'est un événement, ou si c'est quelque chose pour elle, ou si c'est un karma, ou quelque chose comme ça, il y a toujours un moment où ça va s'arranger. Un moment qui doit être défini par la personne, un moment qui doit arriver. Mais qui doit arriver dans un temps qui va être admis selon la patience, selon déjà... Est-ce qu'on peut appeler ça la foi? Oui, c'est évident que ça rapporte à la foi. Sauf que la foi peut rarement être tirée toute une vie. C'est la foi dans quelque chose d'extérieur. Tout le temps. Et ça serait la différence avec la personne qui est plutôt psychologue et qui aurait plutôt tendance à avoir confiance en elle-même. On parle de psychologie religieuse, là, mais quand on parle psychologue, on parle d'une personne qui essaie de se comprendre. Là. Pour faire une différenciation, c'est quand même des psychologues qui sont religieux. Puis tu as des personnes qui sont dans une... Elles se croient dans une psychologie, mais il y a quand même une foi là, au bout de ça, puis il y a quand même... un maître ou un dieu, il y a quand même toujours que même si son psychologue, il y a quand même quelque chose qui les amène. Il y a quand même une certaine foi qui peut se passer dans la psychologie de l'homme. Ils sont quand même, moi je les place quand même au niveau de la religion, mais ils sont plus proches de s'en sortir. Ils ont déjà quitté la foi extérieure, mais tu peux avoir une foi aussi en toi-même. C'était la question que j'allais te demander. Est-ce que tu as de la foi en quelque chose? Non. Non. Maintenant, bon, on peut parler de la foi. Non, quoi? Tu as foi en rien, tu veux dire? Non, ça peut arriver que j'ai foi, mais j'ai rarement la foi. La foi, c'est quoi? C'est... Je peux m'amuser à avoir la foi, mais j'ai pas une foi sincère en quoi que ce soit, non. C'est bon. Parce que quelqu'un qui a la foi, comme tout à l'heure on parlait, la personne qui est sur la route, ou la personne qui est dans sa religion, ou dans sa philosophie, ou même dans sa psychologie religieuse, une psychologie quand même à foi, c'est-à-dire que la personne croit qu'elle peut s'en sortir en faisant des contacts humains, en faisant en donnant ou en suivant des cours de relations humaines, ou en tout cas. Puis, à un moment donné, tu mets tout sur Dieu, puis à un autre moment donné, tu mets tout sur l'homme. Mais c'est deux fois quand même. Une qui est plus proche de la psychologie, mais c'est pas de cette psychologie-là qu'on parle. La foi, c'est quoi? C'est simplement l'espoir qu'on est. C'est simplement l'espérance que la chose que l'on croit va arriver. Ou l'espérance que la chose que l'on croit est vraie. C'est ça, la foi. Mais en partant, si c'est quelque chose que l'on croit qui va arriver ou que l'on croit qui est vrai, c'est donc quelque chose qu'on ignore, mais qu'on croit, qu'on pense que. Alors, la personne qui croit en Dieu, c'est une personne qui espère sincèrement, puis plus sa foi va être grande, plus son espoir va être grand. C'est une personne qui espère sincèrement que l'idée qu'elle a de Dieu, de l'existence de Dieu, est vraie. Mais la personne ne peut pas le savoir. C'est pas une chose qu'elle expérimente dans tous les moments. C'est pas quelque chose comme ça. Elle peut en avoir l'idée, elle peut croire qu'elle expérimente à un moment donné, mais... À un moment donné, elle va se rendre compte aussi qu'elle n'expérimente pas au bout de ce qu'elle voudrait expérimenter. La foi, maintenant, la personne qui croit que Dieu existe, elle ne le sait pas. La personne qui a la foi en l'acupuncture, par exemple, pour guérir une maladie, là, puis qu'elle envoie tout le monde voir un acupuncteur, puis il m'a déjà guéri, c'est bien, bien bon, c'est une foi. Elle a foi en cette médecine-là, elle va même être contre toutes les autres médecines, bref, comme tous les sujets qui vont être attrapés par la foi, ben tu crois en ce que tu as, puis évidemment, tu détruis un peu l'extérieur pour renforcer ta foi. Elle ne sait pas si l'acupuncture peut fonctionner ou non, elle connaît même pas l'acupuncture, elle s'est fait traiter par un acupuncteur, c'est ça. Mais elle est convaincue, elle croit royalement, elle a foi en l'acupuncture, mais elle ne le sait pas. Parce que si elle le saurait, elle dirait pas « j'ai la foi » ou « je crois » ou quelque chose comme ça. Moi, je peux foi en quelque chose. Il y a des choses que je sais parce que je les ai expérimentées, parce que je les ai vécues. Maintenant, c'est pas toujours des expériences que tu vas faire dans le domaine physique. Des expériences que tu peux faire ailleurs. Mais comme dans le domaine physique, tu peux croire en faire, mais tu n'en fais pas nécessairement. Et à un moment donné, dans ta psychologie, il y a un discernement qui peut se faire où tu es capable d'aller rêver, puis t'amuser à rêver, puis tu es capable d'aller dans des domaines qui sont plus réels, puis tu sais. Est-ce qu'on peut faire un parallèle entre la foi et la croyance à ce niveau-là? Oui, la croyance, on pourrait dire que c'est une foi qui est faible, mais la foi, c'est une croyance qui est forte. Alors, la différence entre une personne, par exemple, qui se connaît, une personne qui fait quelque chose, puis une personne qui croit savoir, ou une personne qui espère que ce qu'elle croit est vrai, une personne qui a la foi, est énorme. Parce qu'une personne qui a la foi, c'est une personne qui peut être dirigée par quelque chose de vrai, par quelque chose de véritable, sauf qu'elle ne le sait pas si c'est vrai et véritable. Elle est dans un piège qui est dangereux. Si c'est faux, elle va avoir la foi toute sa vie dans quelque chose qui est faux. Si c'est vrai, elle est chanceuse. Mais elle ne pourra jamais savoir si c'est vrai. C'est pour ça qu'à un moment donné, les personnes perdent la foi. Alors, c'est le fait que tu, un jour dans ta vie, tu t'es rendu compte que ce qui était bâti sur la foi, l'espoir, les croyances, n'était pas, en fait, vérifiable pour toi. Est-ce que c'est ça qui a motivé ce passage de la spiritualité à la psychologie? Pas dans mon cas, c'est ce qui va le motiver pour la majorité des individus, mais pas dans mon cas. Est-ce que dans ce cheminement, dans le cheminement évolutif de l'homme, est-ce que tu penses que l'étape d'aller vers la psychologie est une étape... Qui suit celle de la spiritualité, de l'ésotérisme? Oui. Ou est-ce que ce serait pas revenir en arrière? Bon. Pour certaines, c'est revenir en arrière. On parle encore de choses qui possiblement se sont passées, là, mais ça n'a pas d'importance, je pense, selon moi. Non, mais je te donne le point de vue de bon nombre de personnes. Si tu leur dis que tu as perdu la foi, que tu es revenu à des choses plus concrètes au niveau psychologique, ils vont dire que tu régresses. Bon, alors ça fait une régression qui est positive et salutaire. Parce que je pense pas que de... Comme on disait souvent, moi, je vais voir un maître qui va m'amener à Dieu ou qui va m'amener à la paix. Bon, alors, toi, tu demandes, si tu veux t'en aller vers la paix ou vers Dieu, c'est parce que tu n'y es pas. Ben, c'est logique. C'est pour ça que je veux. Bon. Mais si tu n'y es pas, tu peux pas connaître c'est quoi la paix ou connaître c'est quoi Dieu. Bon, alors, comment tu peux savoir que la personne ou le prêtre ou la religion que tu vas voir va t'amener à Dieu ou à la paix? Tu peux pas savoir. C'est impossible. Tu peux croire parce que tu l'as lu, parce que d'autres l'ont supposément vécu, parce qu'un paquet de raisons, mais tu peux pas en faire l'expérience, ce qui fait que toute ta vie, tu vas avoir la foi en ces choses-là, et tu remets toute la direction de ta vie entre les mains d'une foi qui, par définition, exprime une chose qui est inconnue, et qu'on espère qui est vraie. Alors, remettre sa vie entre les mains d'une chose qu'on peut pas contrôler puis qu'on sait même pas si ça a une base réelle, autre qu'une base psychologique, une base pour rassurer, je pense que c'est remettre sa vie dans un fossé. Alors, quand il n'y a plus de croyance, qu'est-ce qui reste? Les choses que tu connais puis ce que tu ne connais pas? Vraiment, si la croyance disparaît trop vite, ce qui reste, c'est la peur. Bon, puis le doute. Et ça, c'est lié ensemble. La peur, parce que la croyance n'est pas tout à fait disparue, puis la peur, simplement, parce que la personne, une fois qu'elle a ôté ses premières peaux, il fait froid. Elle n'a pas encore eu le temps de rebâtir des peaux qui vont être peut-être plus adaptées à une réalité. Si je crois plus à la réincarnation, parce que je peux pas l'expérimenter, moi, l'expérimenter en mourant. Là, moi, ça voit. Je pourrais pas le dire à personne. En attendant, j'y crois parce que ça me rassure. Je dors bien. Je peux en parler. C'est plaisant. Puis si quelqu'un meurt, je peux toujours me protéger psychologiquement en amenant mon concept de la réincarnation, puis en disant de toute façon c'est pas grave, ils vont revenir. Bon. Mais je ne sais pas. C'est pas une chose que je peux expérimenter. Même si d'autres disent l'avoir expérimenté, moi personnellement, parlant, je peux pas le savoir. Alors j'ai une foi en la réincarnation. Je peux mettre ma foi, ça va bien. Puis j'ai pas peur de la mort parce que je me réincarne. Si à un moment donné, je commence à me demander, plus je vais me rapprocher, mettons, de mon automne, plus que je vais me rapprocher de ma mort, je vais me demander, tout d'un coup que c'est pas vrai, la réincarnation. Je commence à douter parce que là, je m'approche du temps où je vais devoir expérimenter ma croyance. Et pas d'une façon psychologique, d'une façon tout à fait réelle. Là, ça commence à être épeurant parce que la croyance, c'est pas un savoir. Puis là, inconsciemment, je me rends compte que je crois, mais que donc, je ne sais pas. Ça veut dire que ça peut être faux. Ça peut être vrai, ça peut être faux, là, je ne sais plus. Donc la croyance, plus je vais me rapprocher de mon automne, justement, dans cet exemple-là, plus ma croyance va diminuer. Parce que là, je me rapproche d'une réalité. Puis une croyance ne sert jamais à rien dans une réalité, dans un événement qui est concret. Alors, plus je m'en vais vers ça, plus que ma croyance devient abstraite, plus qu'elle disparaît, elle se désintègre. Et puis, qu'est-ce qui reste? À un moment donné, j'ai peur. Puis je doute, là, je ne sais plus pantoute. Si je suis un peu psychologue, je peux me donner un raisonnement. De toute manière, je vais mourir, c'est évident, comme quand je suis venu au monde, puis je vais voir. Si je suis un bon psychologue, si je suis bien correct, si je me dépanne bien, si je me libère bien de mes contraintes, de mes peurs qui sont absolument inutiles, parce que j'aie peur, que j'aie pas peur, que j'aie la foi ou j'aie pas la foi, ce qui s'en vient va quand même arriver. Je peux mourir en paix avec un sourire aux lèvres en me disant que ma vie ne pas d'autre. Si je meurs avec la foi que je vais me réincarner, ça ne change rien. Mais si, mais de toute façon, c'est rare ceux qui meurent avec cette foi-là. Il y a quelques fanatiques quand même qui vont mourir avec une foi, qui vont garder leur foi jusqu'au dernier instant où ils vont mourir. Ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui reste quand la foi part? C'est ça. Au début, c'est la peur. Parce qu'on n'est pas prêt à accepter une vie sans la foi. Donc, c'est extrêmement difficile pour une population de commencer à douter. D'accepter quelqu'un qui sème le doute. D'accepter l'idée que peut-être ce qu'ils ont toujours cru depuis leur enfance, que leurs parents ont cru, peut être faux. Le fait de dire que Dieu, on le connaît pas. On l'a jamais vu, on l'a jamais rencontré comme je te rencontre. Certains, c'est pas grave. Moi, personnellement, même ces certains-là, je les connais pas. Alors, Dieu, je le connais encore moins. Moi, personnellement, en termes de vécu, je ne le connais pas. Bon. Par contre, si je perds ma foi, j'ai plus foi en Dieu. Dieu ne maudira pas pour ça, parce que Dieu, c'est pas un être humain comme nous autres. Alors, Dieu n'a pas les mêmes phénomènes émotionnels que nous autres, j'imagine, si c'est Dieu. Ils ne sont pas maudits, parce qu'à un moment donné, je crois pas en lui. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça. J'oublie bien des choses, puis à un moment donné, je commence à chercher parce que je doute. Et là, j'ai peur, là, parce que d'un coup que je meurs, là, c'est, j'ai pas, t'sais, j'ai appris, moi, que Dieu fallait qu'on le serve, fallait qu'on l'aime, fallait qu'on lui donne des offrandes, fallait jamais qu'on dise son nom d'une façon, belligérante. Fallait, oui, mais je pense que ça, c'est Dieu, on le définit comme un roi absolument humain, là, qui a des armées pour venir défendre son peuple, puis qui a des guerriers pour le détruire, ceux qui font, etc. Alors, à un moment donné, là, j'ai la peur, parce que tout ce que j'ai appris, que je crois plus, me hante. Ça peut me culpabiliser. C'est quand même une peur, ça, qui est cultivée par l'homme, par certains hommes, ou en fait, par certains phénomènes qu'on pourrait appeler astro ou émotionnel, mais qui engendre, qui comprend une multitude d'êtres humains qui ont vécu avant nous autres. Alors, je vais me débattre à l'intérieur de ma foi, qui veut me quitter, que je veux laisser à l'intérieur de nouveaux concepts que j'ai besoin, parce que si je lâche quelque chose, ben le premier phénomène qui va se passer pour quelqu'un qui commence, c'est d'aller ramasser de quoi ailleurs. Alors, il répète la même chose, mais c'est mieux, parce qu'il va le répéter moins longtemps. Alors, si je lâche, par exemple, le phénomène du paradis terrestre, puis je crois à la réincarnation, il y a beaucoup de chrétiens qui croient à la réincarnation maintenant. Ben, en laissant ça, puis les corps vont tout l'air d'ordonner à ceux qui vont mourir. Bon, ben là, on approche de la surpopulation. Alors, j'imagine que si à la fin des temps, l'apocalypse, tout le monde revient sur la terre. Alors, je sais pas ce qu'il va faire qu'on les mette. Il y a des choses qui sont illogiques de même. Alors, à un moment donné, j'abandonne ma foi du paradis terrestre, puis de la réincarnation, ça pourrait dire, de tous ceux qui sont morts, là. Bon, le retour, là, tout le monde sort de leur tombe, tout ça, puis ça. Bon, je crois plus à ça. Résurrection. Voilà, résurrection des corps. Alors, je vais donc m'accrocher à quelque chose de neuf en abandonnant ça parce que j'ai peur. Il y a un moment donné que j'ai peur, puis là, je m'accroche à peut-être la réincarnation. C'est nouveau, ça vient de l'Orient, c'est à la mode, c'est plaisant. Ça a plus d'allure si j'étudie ça logiquement. Et c'est une logique qui est très, très, très aléatoire. C'est une logique qui fait plaisir. C'est pas une vraie logique. Parce que je peux pas expérimenter ma logique. Donc, en partant, c'est une logique qui est abstraite. C'est une logique qui... Mais c'est pas correct de dire que ça vient d'Orient, puisque c'était enseigné par le christianisme primitif. Oui, mais je parle, qu'est-ce qui a amené ça ici, là? Jusqu'en 350. Et ensuite, ça a été aboli. Oui. Oui, bon, ouais. D'accord. Ça, je sais. Ça, à un moment donné, il y a eu une réunion au Vatican, je ne me souviens plus quoi. Concile de Nicée. Bon. Oui. Puis on a décidé que la réincarnation, c'était peut-être vrai, mais qu'on interdisait son enseignement. Mais le monde pense que ça vient de... C'est pour ça que je dis que ça vient de l'Orient. Ça revient de l'Orient. Oui. Alors, je m'accroche à ça, puis c'est le fun à mort, puis à un moment donné, ben là, encore là, j'arrive dans mon doute, puis là, j'ai encore peur, je vais m'accrocher à quelque chose d'autre. Ces temps-ci, ça va être à la psychologie supramentale, peut-être, ou, bon, on s'accroche à la psychologie, mais le fait de s'accrocher à n'importe quel genre de psychologie, c'est la même chose que s'accrocher à n'importe quel genre de religion. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose par peur, par besoin, pour éliminer une crainte, pour éliminer certaines choses. Même si tu t'accroches à la vérité, à la réalité, si tu t'accroches à ça, la réalité qui est là ne peut pas être une réalité pour toi parce que tu ne l'expérimentes pas. Tu t'y accroches parfois. Alors, si un jour Dieu existe peut-être, mais le fait de croire qu'il existe ne peut pas amener l'homme à aller vers Dieu. Parce qu'en partant, il croit qu'il existe, il va le conceptualiser, il va s'en faire une idée, puis même s'il le rencontrerait sur la rue, il ne pourra pas le voir parce que l'idée que l'homme se fait de n'importe quelle chose qu'il n'expérimente pas est différente pour chaque être humain. L'idée que l'homme se fait de Dieu ne peut pas ressembler à Dieu. Et pourquoi faudrait-il aller vers Dieu? Non, ça veut dire simplement que la personne qui veut y aller ne pourra pas y arriver tant qu'elle va vouloir y aller. Est-ce que la vie ne se chargerait pas de nous y emmener petit à petit, tranquillement, à travers le courant évolutif? C'est évident. Ça, la psychologie commence à s'en rendre compte. Bon, les religions, ben, l'ont enseigné un peu, mais c'est parce que la religion a été surtout instaurée, pas pour amener l'homme à Dieu, mais pour garder l'homme dans l'enceinte même de la religion. Comme j'expliquais l'autre fois, un chef, un gouvernement ou encore une église se doit de conserver l'état dans lequel le peuple se trouve pour conserver la situation qui nécessite sa présence. Bon, ça sert à ça. Alors l'église, le gouvernement ou un chef dans une peuplade va s'organiser pour toujours faire en sorte que sa présence soit absolument nécessaire. Alors, l'Église, c'est ce qu'elle a fait. L'Église n'a pas été là pour amener l'homme vers Dieu. Elle a amené l'homme à l'Église. Puis, elle s'est organisée pour créer dans les croyants un besoin de l'Église, un besoin du prêtre, un besoin des évêques, un besoin, bon, t'as toute la hiérarchie ecclésiastique qui peut rentrer en ligne de compte, mais c'est toujours la même chose que le gouvernement. Est-ce que c'était pas d'une certaine façon nécessaire pour les hommes? Ah non, c'était d'une certaine façon nécessaire, mais l'homme l'a pas fait parce que c'était nécessaire. Bon, l'homme l'a fait comme ça. Ça a bien servi. Ah, ben ça a bien servi, c'est évident. Mais à un moment donné, il faut changer d'école, il y a des choses que l'homme évolue. C'est pas parce qu'on se répète paix et amour sur la terre que ça a changé grand-chose. À un moment donné, il faut comprendre c'est quoi ces phénomènes-là pour pouvoir les appliquer. Ça a été extrêmement utile, ça, c'est sûr. Mais là, ce qui arrive, c'est que, c'est ça, tu changes de croyance en croyance, puis à un moment donné, même si tu voudrais croire au supramental ou mental supérieur, croire à l'ésotérique... Pas trop vite, là, tu nous expliqueras d'abord tes termes, la supramental et ces choses-là, avant de vouloir en parler. Si tu veux t'adonner à un moment donné à croire à la réincarnation parce que tu penses que c'est une réalité, ce phénomène-là ne peut pas être une réalité pour l'homme tant que l'homme ne l'aura pas expérimenté. Expérimenter, c'est expérimenter le phénomène lui-même. Alors, pour expérimenter une réincarnation, il faut donc se réincarner. Sans ça, on l'expérimente pas. On peut croire à l'expérimenter, mais on l'expérimente pas. Si tu t'approches de n'importe quoi qui peut être la vérité, qui peut être une réalité, là, mais si tu l'expérimentes pas, pour toi, ça peut pas être une réalité. Ça va toujours être une croyance, ça va toujours être une foi, c'est toujours dans le même problème, dans le même dilemme psychologique ou religieux ou spirituel. Alors, ce qui fait que c'est pas la chose sur laquelle tu t'attaches qui peut te, on pourrait dire, un thème religieux qui peut te sauver. C'est pas la croyance en quelque chose qui peut te sauver. Mais sauver de quoi? Et non, mais c'est un thème religieux. C'est mieux te dépanner. Présentement, maintenant, moi, je pourrais dire que faut que tu te sauves de la religion. Okay? Faut que tu te sauves de toutes les superstitions, de tout le spiritualisme. Toutes les croyances. Oui, alors, ce que toi, tu proposes comme programme, c'est, tu dis, faites comme moi, tentez l'aventure, laissez le bonheur dans lequel vous étiez au temps où vous aviez la foi, et puis sautez dans le gouffre où il n'y a rien d'autre que du doute et de la peur, en fin de compte. Mais mourrez à votre état dans lequel vous étiez bien pour renaître dans un état que je ne connais pas, bon, ben c'est bien, que je vais explorer ou qu'on va explorer ensemble, qui est une grande aventure, mais qui est semée d'embûches. Bon, ce que tu définis là, c'est très, très, très, très bien défini. J'essaie de définir ta démarche. Oui, d'accord. Mais tu l'as définie extraordinairement bien, tu l'as définie à partir d'une personne qui n'a pas vécu cette démarche-là. La manière dont tu le définis, là. C'est superbe. Quelqu'un qui n'a pas vécu la démarche va effectivement la définir comme ça. Mais j'essaie de dire, c'est quoi ton discours? Est-ce que c'est ça ton discours? Oh ben non. Non, parce que chaque individu va suivre son chemin. Moi, je répondais à des questions que tu m'as posées sur moi-même, là. Mais ça, c'est un chemin qui est fait, c'est un chemin que l'homme fait. Mais l'homme n'a pas à choisir, à un moment donné. Si toi, tu fais un choix, plus souvent qu'autrement, c'est parce que ce choix-là était déjà déterminé, parce que tu as eu à rencontrer des événements... Si le choix était déterminé, je n'ai pas fait de choix. Oui, sauf que tu peux croire longtemps que tu en fais un pareil. Mais si les étapes étaient déterminées pour que tu arrives à dire « Bon, ben je vais là », toi, tu penses que tu choisis d'y aller. Mais si l'événement où tu vas ne serait pas arrivé, tu n'aurais pas fait le choix d'y aller. Alors, ce qui fait qu'on a toujours l'impression de faire un choix, mais en réalité, c'est quelque chose de passif. Donc, ta philosophie ou ton art de vivre, à toi, laisse très peu de place au libre-arbitre. Non. Premièrement, moi, enfin, une philosophie, on pourrait dire, mais c'est pas une philosophie. Déjà, ton art de vivre. Mettons que, mais, oui, non. Oui, ça laisse très peu de place au libre-arbitre, pour ainsi dire, ça n'en laisse pas énormément, même pas pantoute. Mais en tout cas, ça, c'est pas grave. Parce qu'on parle du libre-arbitre, moi, j'ai vécu des choses à un moment donné que j'ai jamais voulu vivre. Puis, si j'aurais eu un libre-arbitre, fais-moi confiance que je ne les aurais pas vécu. Puis, il y a énormément d'événements que le monde vit continuellement. Même le décès de personnes dans nos familles, c'est un libre-arbitre, tu ne veux pas qu'il meure, puis l'autre ne veut pas mourir, mais ça ne change rien. Et pourtant, tout le monde pense, et on apprend à beaucoup de monde aujourd'hui, qu'on peut avoir une influence sur notre destin, qu'on peut exercer un libre-arbitre, par exemple, je ne sais pas moi, avec la pensée positive. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Que j'en pense. Bon, c'est une question que la réponse, OK, je pense que c'est une réponse qui serait pas terre à terre pour la majorité du monde. C'est une réponse, présentement, ce qui est enseigné en ce qui concerne le libre-arbitre, c'est bon, d'accord? C'est dangereux d'en parler pour la simple raison que c'est pas le temps d'en parler, parce que ça peut pas être compris. Tu lâches la religion, tu lâches certaines choses, tu tombes dans des doutes et dans des peurs. Là, on va t'enseigner, pense positivement, c'est-à-dire que détermine déjà quelque chose que tu voudrais avoir, OK, à partir de tes émotions. Je veux avoir une richesse, je veux avoir une maison, je veux quand même tout ça à partir de tes émotions. Puis là-dessus, on part avec un peu l'idée que tu peux pas connaître l'avenir. Bon, alors pense positivement, fais des projections dans le futur pour créer un événement qui va t'attendre sur ton chemin au niveau de ta vie. Bon, c'est très bon, c'est merveilleux, c'est parfait. Les mécanismes de tout ça, c'est quelque chose que l'homme présentement ne peut pas arriver à comprendre, l'homme commence à peine à profiter. Mais à un moment donné, je le dis très rapidement, on n'en parlera pas plus longtemps que ça, ça ne sert à rien de vous parler du mécanisme, mais l'homme va se rendre compte que ce que l'homme projette, c'est simplement une vision de ce qui va arriver que l'homme projette. Bon, alors, il crée les événements dans l'écran. L'homme voit un événement, puis l'homme pense que c'est ça sa projection. Mais l'événement, il faut lui qu'il la projette, l'événement l'attend. Le projet qu'il ne projette pas, il va y arriver. Mais en attendant, ça lui permet de pouvoir se diriger vers cet événement-là qui est là. Puis au lieu d'être une projection de quelque chose que tu veux construire, c'est une vision de quelque chose qui est construit. Comprendre. Puis l'homme, quand tu vas comprendre ça, il va pouvoir être beaucoup plus relax. Parce que l'homme va se dire, ben, j'ai le temps. J'ai pas besoin de. Non, non, mais quand il va comprendre. Oui, il va arrêter de chercher. Ben, c'est évident, parce que tout est un chemin. Les religions l'ont enseigné, parce que les religions ont perçu ça à un moment donné, mais ils l'ont coloré, déformé, puis ça s'en suivit pour contrôler l'homme. Les églises. Pas seulement les religions, mais les églises. Mais ce qui arrive, c'est que tout est un chemin, puis c'est vrai. Il manque de rien, ça n'a aucun problème. Sauf que c'est placé là pour se développer d'une certaine façon qui va t'amener plus en avant, jamais plus en arrière. La compréhension que toi, tu peux avoir de certains événements, tu peux en avoir une compréhension qui dit que ça te ramène en arrière, c'est ça, mais vrai, tu peux pas. Ce qui arrive simplement, c'est ça. Du monde, par exemple, sont ici dans la salle. Pour être ici dans la salle, c'est un choix qui, selon eux, ils ont fait. Mais s'ils n'auraient pas entendu parler du sens, ils n'auraient pas pu faire ce choix-là. Donc, il y a un événement qui a mis le sens dans leur vie. S'ils n'auraient pas entendu parler, par exemple, pour certains de moi, ils n'auraient pas pris le choix. Donc, il y a un événement qui a mis encore moi dans leur vie. Certains auraient eu des billets gratuits, s'il n'y aurait pas eu de billets gratuits, donc s'il n'y aurait pas eu cet événement-là, ça, ça n'aurait pas été mis dans leur vie. Si tu continues comme ça, avec toutes les choses qui ont été mises dans ta vie, que tu as expérimentées, ça fait qu'en fin de compte, tu aurais, tu réagis continuellement, ok, passivement, à des événements qui s'accumulent au niveau de ta mémoire. Bon. Alors, de ce fait, tu ne peux pas dire que tu prends une action. Si quelqu'un t'attaque, tu peux te battre, te sauver, crier. Mais tu vas réagir à un événement qui est mort. Parce que sans cet événement-là, tu ne te serais pas battu, tu n'aurais pas crié, tu ne serais pas sauvé. Il y a toujours quelque chose qui fait que toi, tu vas réagir à ce qui se passe et tu vas réagir à des événements. Mais tu ne peux pas agir en face d'un événement. Tu vas commencer à agir en face d'un événement, peut-être à un moment donné, mais ce n'est pas terrestre. En attendant, l'homme a toujours l'idée qui agit, c'est une idée qui est bonne. D'accord? Ça peut permettre à sa psychologie de continuer à se trouver dans des temps où ce que la compréhension est de plus en plus étalée au public. L'homme va finir par comprendre. On commence intellectuellement, à un moment donné, ça vient teindre notre émotif, ça transforme le concept, ça transforme notre mémoire lentement. C'est là qu'il y a des craintes, c'est là qu'il y a des peurs, c'est là qu'il y a des grinchements dedans. Oui, quand ça c'est fait, l'homme va commencer à expérimenter ce qui vient d'intellectualiser, puis des au niveau de son mémoire, de son émotion. L'homme va commencer à le vivre. En vivant, il va rajouter une nouvelle expérience au niveau de sa mémoire, automatiquement, il va se rendre compte que c'est vrai, c'est bon. Il va commencer à avoir une espèce de corps astral, de corps émotif, qui va vibrer en faveur du changement, lentement. C'est la perte, c'est la mort du corps émotif. Alors, il y a donc une première mort et puis une seconde naissance, mais cette seconde naissance, elle est inscrite nulle part dans les livres, ce cheminement-là. C'est ça, le cheminement qui va se faire dans le corps humain de l'homme. L'homme ne peut pas en mourant réussir à faire ses choses. C'est donc véritablement une aventure où on doit être à la fois l'observateur et la chose observée. Oui, c'est ce qui est plaisant. Quand on commence à pouvoir observer ce qui se passe avec nous, c'est le courir. Parce qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de problème, il n'y a rien. Que tout est comme ça. En tout cas, il y a tellement de choses qui ne peuvent pas être décrites parce qu'une personne qui ne l'a pas vécu, de toute façon, ne pourrait pas arriver à le comprendre. Ou elle pourrait simplement vouloir le vivre dans le but d'avoir les mêmes émotions, mais c'est loin simplement du phénomène. Quand une personne vient écouter quelque chose ou quelqu'un, c'est toujours parce que c'est son temps. Bon. Les choses qui sont dites, on peut nous autres, en tant qu'humains, percevoir ça comme des erreurs, comme des dangers, comme bon, différentes choses. Parce qu'on va voir au niveau de notre mental une idée de ce qu'est le temps, qu'on a une idée aussi conceptuelle, parce qu'on ne l'expérimente pas, de ce que peut être une partie de l'avenir, puis quelques mémoires du passé qui font que certains événements qui ont été vécus ont amené certaines choses. Il faut les répéter dans l'avenir. Et ça a été vécu avec un différent genre de monde, une différente psychologie, une différente psychologie sociale. On peut répéter des fois les mêmes événements, c'est super. C'est pas du tout comme ça s'est déjà vécu. Alors, c'est vrai que si Jésus-Christ vient prêcher, nous, on ne peut pas se croire aujourd'hui. Mais il y a eu un temps où c'est qu'il y a bien présentement qui sont ici, qui seraient déjà morts bien avant Jésus-Christ se croit. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que nous autres. Si revenu aujourd'hui, ce serait sur une chaise électrique et demain, on aurait une religion. Ça veut dire qu'il serait arrêté de pratiquer les dégâts de la médecine, mais ça, avec des petites chaises électriques autour du cou. On se promènerait avec ça en forme de symbole, de souvenir. Ça ressemblerait à ça. Une autre mémoire négative à transporter pour 2000 ans. Alors, face à ce déconditionnement-là, parce qu'en fait, c'est un déconditionnement... Moi, j'enseigne pas, c'est chose qui se fait. Non, d'accord. Mais tu vis un déconditionnement par rapport à tout l'acquis du passé. Oui, la mémoire, lentement... Mais comment est-ce que tu peux, par exemple, te déconditionner de ce qui, en fait, englobe toute ta mémoire au niveau de l'expérience religieuse? Par exemple, quelle est ta position par rapport au Christ? Bon, ma position par rapport au Christ religieux, celui qui est prêché par l'Église catholique romaine, c'est une position qui est hilarante. On peut préférer beaucoup de personnes. Ma position par rapport à ce que moi j'ai comme connaissance de ce qu'aurait pu être Jésus ou Jésus-Christ ou etc., c'est quelque chose qu'à un moment donné on parlera. Mais ça est bien différent de ce qui est annoncé quand même au niveau de l'Église catholique romaine. Mais est-ce que tu... Moi, c'est une forme. Oui. Est-ce que tu fais une différence entre Jésus, le personnage hystérique, historique, et le Christ cosmique? Oui, énormément. Mais je fais une grosse différence. Et puis en plus, le Christ simplement du Christ comme forme pour pouvoir, comme tout à l'heure... Mais c'est quoi le Christ à ce moment-là? Lequel? Ben, celui qui est dans Jésus ou l'énergie christique, etc. Est-ce que tu vois ça comme une forme d'énergie, d'énergie cosmique ou une intelligence universelle ou quoi? C'est quoi le Christ? Non, ben, présentement, comme je te dis, je vais à un moment donné en parler, mais je pense pas présentement. Ça serait trop long, puis ça serait trop... Pour toi, le conflit, t'as pu le résoudre? Oui, d'accord, j'ai pu résoudre le conflit. C'est-à-dire que les mots, premièrement, quand on résout des conflits, on commence à résoudre la définition des mots. Alors, le Christ, il parle d'énergie cosmique, d'énergie ci, d'énergie ça. Bon, ben, à un moment donné, c'est ça. Je peux avoir une idée de quelque chose, je peux y apposer le terme Christ, ça me fait plaisir, et puis le Christ, pour moi, c'est ça. C'est pas nécessairement ce qu'on veut me présenter comme Christ. Alors, je me suis demandé, j'ai révisé souvent quand j'étais jeune le Nouveau Testament, de toute façon, c'est la seule partie de la Bible qui m'intéressait. J'ai quand même déjà lu la Bible, là, mais mettons, c'est une des rares parties qui m'intéressait, grâce au cheminement que moi, je faisais. Et puis, il y a bien des choses, tu sais, qui peuvent pas avoir de sens. Quand Jésus s'en va dans le désert tout seul pendant 40 jours, puis qu'on compte ce qui s'est passé, ben, il fallait qu'il y ait des témoins. Parce qu'il y a bien des choses, à un moment donné, qui finissent par dire « la Terre a été créée en 6 jours », c'est parce que les choses sont calculées à partir de la rotation de la Terre. Alors, ce qui fait que 6 jours va partir de quoi, si la Terre n'est pas créée? Il y a des choses qui... c'est pas grave, là, ça ne nuit pas. L'enseignement fondamental reste bon, mais je pense que les formes qui ont avec lesquelles on a donné cet enseignement-là, ces formes-là, je pense qu'il ne faut pas se formaliser avec ça, c'est pas important. Alors, dans ton cheminement, est-ce que tu es obligé de faire des compromis avec ce que tu as appris et ce dont tu veux te débarrasser? Est-ce qu'il faut que tu gardes quelque chose et que tu perdes une autre chose? Non, c'est pas ça. Il faut tout rejeter en bloc dans ton cheminement à toi. Non, c'est un cheminement qui se fait normalement, sans heurte, sans rejet, sans quoi que ce soit. À un moment donné, tu comprends quelque chose. C'est exactement comme si tu comprends pas ta femme ou tu comprends pas ton enfant, puis une bonne journée, là, ben, tu fais n'importe où, là. D'un coup, ça vient d'être clair. Tu comprends peut-être plus de choses. Tu te rapproches un peu plus, tu sais. Mais c'est pas une affaire qui est avec des heures ou tout ça. Ce qui est enseigné, c'est quelque chose qui est technical. C'est-à-dire que des choses qui sont des techniques qui permettent à l'homme, bon, après un certain remous là, violent, d'arriver à un résultat. Mais ça, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est vraiment relax. C'est bien, bien, bien. C'est bien parfait à la condition que tu acceptes de vivre la vie que tu es supposé vivre. Mais est-ce que c'est la vie qui t'enseigne ce que tu sais aujourd'hui? Ouais, ben, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il y a des événements qui arrivent. Quand pour bien du monde, c'est des événements qui seraient absolument dégueulasses, qui seraient négatifs, qui seraient, etc. Et je suis pas masochiste parce qu'il y a des événements qui m'arrivent, que j'apprends, c'est simplement des événements qui sont normaux. Et puis, si moi je laisse ces événements-là arriver, puis j'essaye, tout à l'heure on parlait d'observateur, mais moi je suis la chose que j'observe, puis je peux en même temps être l'observateur. Ça, c'est un phénomène qui va être vécu par de plus en plus d'individus, c'est un phénomène qui est libérateur, justement. Parce que tu ne me fais pas juste présentement, si moi je m'observe moi comme étant un individu très limité. Alors s'il m'arrive un événement, comme je perds par exemple un membre ou une partie de membre, bien vu que je suis un individu extrêmement limité, je me rends compte que je suis beaucoup plus limité. mais de même pour me faire mal, parce qu'émotivement parlant, au niveau mémoriel, je me rappelle comment j'étais, puis je sais comment que d'autres peuvent venir, puis en tout cas, j'ai un handicap, parce qu'il y a plusieurs choses qui vont se passer. Mais là, c'est parce que je m'observe moi-même en m'observant dans une limite qui est psychologique, une limite qui est émotionnelle, une limite qui est physique. Mais quand on parle d'observateur, à un moment donné, moi, je vais m'observer, mais je n'observe pas. C'est-à-dire que c'est pas moi, j'observe. C'est les éléments, j'observe. Il arrive à un moment donné, ça, l'homme va vivre de plus en plus, c'est qu'au lieu de s'observer lui, il va, quand quelque chose arrive, il va être capable d'observer dans un flash tout l'événement qui arrive. Puis en voyant l'événement, on voit la finalité de ce qui vient d'arriver. On voit l'aboutissement final. On voit tellement de choses que l'événement ne laisse pas de trace dans sa mémoire psychologique. On va être enregistré au niveau mémoriel, mais cette mémoire même, l'enregistrement même de l'événement, c'est quelque chose que tu ne peux pas te maganer ou te teinter jamais. Voilà, t'as une certaine façon de neutraliser la souffrance simplement en voyant l'événement. Tu dis, mais il faudrait expliquer ce que c'est, alors voir l'événement. Oui, c'est assez complexe de l'expliquer parce que c'est dangereux, parce que l'homme, de la manière que présentement il est bâti, il va mémoriser, puis il va intellectualiser, puis il va essayer de comprendre d'une façon intellectuelle à partir de ses mémoires ou de ses concepts. C'est que c'est toujours une compréhension qu'il faut. Il ne vit que l'expérience même de l'observation. De l'observateur lui-même amène la compréhension du phénomène. Si on essaie d'expliquer vaguement, c'est simplement toi, tu es en train de nager, tu baignes dans l'océan, et puis à un moment donné, au lieu de te voir dans l'eau, au lieu de te voir, par exemple, tu commences à te fatiguer, puis que tu avales une gorgée d'eau, puis tout ça, puis là, tu es concentré sur ton propre événement même. Tu es en train de toyer, ou tu es fatigué, ou etc. À un moment donné, c'est comme si ta perception consciente de toi-même dans l'eau, là, s'élargit, là. Mais tu te vois tout le temps, mais tu vois tout l'océan, tu vois le bateau qui s'en vient de sauver, tu vois l'ambulance qui attend sa plage, tu vois tout. Là, tu reviens dans toi-même. Bon. Là, il n'y a plus de problème. Là, on veut dire, l'événement lui-même est vraiment pas important. Si, par exemple, tu aurais à mourir, prenons un exemple, tu ne choisis que des exemples où il y a toujours que des morts dans ces exemples. Tu dois être en train de vivre vraiment une phase de mort parce que. Oui, effectivement, ça sur 10 exemples que tu nous as donné, il y a la mort dedans. OK. Prenons un autre exemple. Avec de la vie. Oui, tout le temps. Parce que ça t'explique quand même un peu c'est quoi l'observation. Si tu es en train de mourir, tu vas voir beaucoup plus vaste. Tu ne verras pas ton corps minuscule, tout ça. Tu vois l'événement qui est global. Tu vois ton utilité dans l'événement. Tu vois ta position, ta place dans l'événement. Tu comprends instantanément différentes choses qui fait que l'événement n'a plus aucune importance pour toi. Puis le jour de ton émotivité à l'intérieur de l'événement, tu vois comment c'est enfantin, tu comprends que ça peut plus avoir d'importance au niveau de ton émotivité parce que tu vois en même temps que ton émotivité capte l'événement que tu vis, tu captes la conscience de l'événement que tu vis. Ça fait que l'homme est rassuré. Mais c'est ton observation d'une chose. Toi, au lieu d'être limité à ton propre corps, à l'événement qui touche présentement, tu as une perception globale de ce qui se passe. Puis il y a bien des choses qui disparaissent. Tu vois le jeu de la peur. Tu vois sa naissance, sa vie, sa mort. La peur disparaît. Alors, comme tu dis, tu vois le jeu de la peur. Donc, il y a un contrôle qui se fait au niveau des émotions. Et c'est peut-être ce qui élève de l'intensité à ce que tu vis, au drame que tu peux vivre. Ah, l'intensité disparaît, l'intensité du drame disparaît. Par le contrôle de l'émotion. C'est-à-dire que tu me parles de la compréhension de ce que tu vis. La compréhension de l'émotion, oui. La compréhension de ce que tu vis, totale, consciente, enlève la partie émotionnelle, l'intensité de l'émotion qui fait que tu aurais souffert beaucoup plus si ça n'avait pas été. Quand on n'a pas un accident, sors de ton auto et tu regardes ça. Puis là, c'est. Là, tu vois tout, là, tu avais un rendez-vous, là, puis il venait juste de sortir de la peinture, ben non, tu venais juste de l'acheter. Tes vacances la semaine prochaine. La panique, là, ta mémoire, tes émotions en bas, puis là, tu peux pas du tout réussir à voir, puis là, tu peux crier après le gars qui t'a frappé, enfin, tu peux t'écraser, tu peux pleurer, tu peux transpirer, enfin, tu peux réagir différemment. Si à un moment donné, tu t'observes toi, tu prends conscience d'un événement au complet, tu vas prendre compte simplement comment c'est utile le fait que tu réagisses comme ça pour la même raison que tu me penses que tu es en train de pleurer. Ben, tu vas prendre conscience que tu pleures parce que ton chat est régalé. Puis, dans la tête, à toi, là, ben, c'est vraiment pas important, c'est ridicule. Bon, ben, ça, ça semble élémentaire, tout ça. Pourquoi est-ce qu'on ne fonctionne pas comme ça, alors? Pour la simple raison que, présentement, de l'intellect, le mental de l'homme, qui commence à prendre du dessus un peu dans sa vie, qui commence à pouvoir prendre des décisions imprimées par ses émotions, et présentement, par celle-là de l'homme, par celle quand même qui est psychologique, est trop coloré et trop sous contrôle des émotions. Alors, ce qui fait que moi, au lieu de réfléchir, je me tourne intelligemment, bon, je vais rendre vos bouvards, mon cher, il m'a gagné, fait que je vais prendre le service qui s'en vient, mais là, mon rendez-vous. J'ai des assurances, ici, j'ai ça, bon, en tout cas, même si j'en ai pas, ça ne change rien mon événement. Mon mental va travailler, voilà mon rendez-vous, puis m'arriver là, petit clair, je serai avec mon auto. Pourquoi? Parce que mes émotions viennent pas peindre mon mental. Mais si toutes mes émotions viennent s'en mêler, mon mental ne peut rien faire, il ne peut prendre de décision, il ne peut absolument rien faire. Puis là, c'est assujetti justement à tout le phénomène astral, au phénomène émotif. C'est complètement court-circuité de la réalité à ce moment. Oui, exactement, la réalité. Tu rentres dans l'illusion complètement, puis tu en fais partie, tu joues le jeu. Ben, automatiquement, tu joues le jeu du film. Tu souffres, là. Ben, exactement, tu peux faire vraiment souffrir parce que c'est pas la réalité, et tu ne peux pas t'en sortir, vu que c'est pas la réalité. Même pour régler des choses qui sont réelles. Mais les choses qui sont réelles ne sont jamais des problèmes. Ils n'ont pas besoin d'être réglés. Est-ce que ça ne viendrait pas aussi tout simplement du fait qu'on se prend peut-être trop souvent au sérieux, on met trop d'intensité, trop de sérieux dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si on se prend au sérieux, mais on prend au sérieux nos émotions. On prend trop au sérieux notre psychologie. Mais est-ce que tu es d'accord avec les psychologues qui disent qu'il faut vivre ces émotions à fond, etc., toutes ces thérapies où on te fait vivre les émotions? Non, c'est parce que bon, je suis d'accord dans ce que tu dis, vivre ces émotions à fond, mais il ne faut jamais les pousser. Oui, que tu aurais à être poussé. Alors, c'est pas parce que tu pleures qu'il faut que je fasse pleurer pendant 2 semaines. Ça veut dire que tu vas vivre ton émotion en fond. Donc, c'est ridicule. Je réengendre l'émotion continuellement pour te vivre. Bon, ça, c'est ridicule. Ce qui arrive simplement, c'est qu'il faut pas non plus que tu contrôles une émotion. Si tu as le goût de pleurer, c'est normal. Si l'astral, on dit que l'astral, l'émotivité vient toujours teinter la partie intellectuelle de l'homme, sa partie mentale. Il faut pas non plus que la partie intellectuelle ou mentale vienne contrôler ou teinter la partie émotive ou astrale. Mais si moi j'ai des émotions, je laisse aller. Mais mes émotions ne peuvent pas, c'est mon corps, perturber mon mental. Ils perturbent jamais mon intellect. Alors, ce qui fait que si à un moment donné, intellectuellement parlant, j'ai un événement où je dois faire quelque chose, ben, l'émotion, c'est. Puis je suis apte à agir. Moi, personnellement, j'ai des émotions quand ça me tente, c'est vrai. Ils surgissent, mais s'ils sont là pour me nuire, ben, ils peuvent pas me nuire. C'est la seule raison que je vois tout comment ça fonctionne. Tu restes en possession de tes moyens au poste de commande, au lieu de dire. Au lieu d'être contrôlé par mon émotion, je suis contrôlé par mon mental. C'est plus efficace. Qu'est-ce qui est important pour toi, fondamentalement, dans la vie? Qu'est-ce qui est important? Laisse-moi faire. Pas grand-chose qui est important pour moi dans la vie. J'ai plein de visées astrales, j'ai plein de gros désirs comme tout le monde. Il y a des choses, par contre, que je sais qu'ils vont arriver, qui me plaisent. Mais si je sais que ça arrive pas, ça ne me dérange absolument pas. Il n'y a absolument rien d'important. Puis encore, c'est traumatisant pour une personne de dire, à un moment donné, il faut qu'on ait des buts de la vie. Il faut qu'on ait des raisons d'être. Il faut qu'on ait des raisons de vivre. Mais il faut tout ça quand on ne sait pas pourquoi on vit. Mais quand on sait pourquoi on vit, on n'a plus besoin de nous. Est-ce que ça ne ressemble pas un peu à la philosophie zen du lâcher-prise? Alors ça, je peux pas te dire, mais je sais que ben, le jeune s'y rapproche, mais maintenant que moi, je ne me suis pas attendu à étudier tellement leur philosophie. Mais je sais que pas la philosophie jeune qu'on enseigne dans les livres ici, là, mais au niveau des Corans, tout ça, la philosophie, ouais, ça pourrait s'approcher à l'état de non-être, de non-faire, de faire sans faire. De faire, pas t'attacher à ce que tu fais, ces choses-là, oui. Ça peut s'approcher à ça, de toute façon, c'est ça qui m'a dit. C'est ça qui est la réalité. Oui, quand un arbre, puis l'arbre grandit, puis même si tu veux que l'arbre ne meure pas, même si tu veux que l'arbre ne dépasse pas telle grandeur, même si tu veux que n'importe quoi, non, tu fais, tu laisses faire. Tu ne peux pas t'attacher à ça. L'arbre va mourir. Si tu t'attaches à ton arbre, tu vas faire de quoi? Mais c'est prévu déjà à l'instant même où l'arbre est venu au monde, qui était pour mourir. Alors pourquoi toi créer un phénomène d'attachement à ton arbre? Parce que de toute façon, tu vas le perdre. Et même est comme ça. C'est quoi la différence entre la vérité et la réalité? Parce que tout à l'heure, tu parlais des deux. Est-ce que tu fais une différence entre vérité et réalité? Non, je dirais les deux, c'est pas une nuance. Ouais, il y a une majeure nuance entre la vérité. C'est que la vérité est toujours assujettie au mensonge. Puis la vérité, c'est quelque chose qui. J'emploie ces deux termes-là, mais simplement pour faire la différence. Il faudrait que tu expliques ça avant d'aller plus loin, que la vérité est assujettie au mensonge. Je ne peux pas continuer, il faut t'expliquer ça. Bon, d'accord. La vérité, c'est quoi? C'est quelque chose que l'homme détermine de par ses propres expériences, c'est quelque chose qui est vrai. C'est une vérité. Okay? C'est quelque chose que l'homme peut enseigner. Mais en partant, si il détermine de par ses propres expériences, si l'expérience ou si la compréhension ou l'interprétation de ces expériences-là était fausse, chrétien par ça rapport à... Ça veut dire qu'on a chacun notre propre vérité. Ça, ça ne pense pas similaire. Pour ça, souvent, la vérité, puis même de toute façon, la vérité, c'est connu à l'illusion. C'est-à-dire que la vérité, le mensonge, c'est pareil. On est dans un nombre, dans un monde de façon similaire. C'est-à-dire qu'il peut y avoir du mensonge dans la vérité ou pas la vérité dans le mensonge. Et puis, souvent, la vérité, c'est quelque chose qui ne peut pas se vivre, qui ne peut pas être expérimenté par l'homme. Donc, la vérité, on peut en parler. Moi, je parle, maintenant, je peux dire que c'est la vérité, mais c'est sujet à l'interprétation. Donc, en partant, la vérité, c'est jamais être. Mais la réalité, c'est quelque chose qui se passe réellement. Alors, quand je parle de tout à l'heure, j'essaie de faire une liaison de vérité-réalité, parce que dans le vocabulaire du monde, c'est encore un peu similaire, là. Mais la réalité, c'est quelque chose qui se vit. C'est réel que c'est ceci-là, c'est pas la vérité, c'est une réalité. C'est différent, c'est tout fort. Alors, quand le Christ a dit « Je suis la vie, la voie, la vérité », c'est une illusion. Mensonge. Ben, je ne sais pas si lui l'était. Et de toute façon, le terme réalité existait sans doute pas, le terme imagination non plus. Alors, les termes sont employés à un moment donné à une certaine époque. C'est juste une mauvaise question. Ok, bon, parfait. Mais... Je m'ennuie un peu. Je ne sais pas pourquoi m'ennuyer. Là, on parlait du mensonge, la réalité. Et puis, ce qui va arriver, c'est ça. C'est que les événements que tu vas vivre sont une réalité. L'interprétation que tu vas faire de ces événements-là peut être une vérité, mais peut créer un mensonge. C'est ce qui t'en fait une vérité. Alors, le fait, par exemple, qu'à un moment donné, en passant après du photo d'arrêt d'autobus numéro 100 sur Telleru, j'ai été guéri instantanément de cancer incurable, c'est une réalité. L'événement, c'est une réalité. Moi, je commence à faire une vérité. Tu sais qu'on fait ça là, c'est un fait, j'ai été guéri, mais ça, c'est mémoriel. C'est une réalité, c'est tout dans le vécu. C'est pas l'espace que tu vas passer là, on guérit non plus. Mais il y a une réalité. Cette réalité-là, elle est réelle. De par la réalité, c'est quelque chose de réel. Pour être réel, c'est ce que tu vas vivre. C'est quoi là? Alors, la réalité, pour toi, ça se passe dans l'instantané. Alors, automatiquement. Sinon, c'est pas réel, c'est pas vivant. On dit pourtant que la vérité est éternelle. Oui, la vérité est éternelle, mais ça, c'est dire, on peut voir des mots comme ça et dire des choses. Mais à un moment donné, ce qui arrive, c'est que si la vérité est interprétée de différentes façons par différents individus, ben, il y en a qui vont interpréter la même vérité dans le sens que moi j'interprète réalité. On s'entend bien, on n'a pas de droit à la vérité, c'est pas la réalité. Mais cette même vérité-là date de tellement longtemps, qui a tellement été employée par différentes bouches, qui fait qu'à un moment donné, la vérité, c'est quoi? Ah, ben, ça peut être tellement de choses que balayons ces choses-là, puis mettons un nouveau mot pour définir. Il a fallu créer un nouveau mot parce qu'il y a une évolution dans l'humanité qui se fait de plus en plus rapide. À son niveau de conscience, de la conscience qui a conscience d'elle-même. Exactement. Donc, ça prend de nouveaux mots pour expliquer une situation dans laquelle il n'y a pas d'émotion ni d'intellect. C'est officiel, parce que même n'a pas vécu ça. La chose pure, brute, telle qu'elle est. Oui, sans coloration. Mais c'est ça. Mais ces nouveaux mots-là sont des formes. Comme le mot vérité, comme le mot amour, comme le mot paix, comme le mot tout ça, servit au bout du fusil des canons. Mais le mot réalité avec, pour le moment donné, est interprété. De toute façon, on n'a pas le choix. N'importe quel mot qu'on va lancer au public, ce mot va être interprété. Même par ma propre intention, à un moment donné, il va être interprété. Oui, c'est plus facile de communiquer avec un mot quand même qui n'est pas sujet ou qui n'a pas une mémoire d'interprétation qui date de milliers d'années. Parce que puis celle-là, on a vu ça chez nous aussi. Mais il fallait que tu fasses en tabarnouche parce que puis celle-là, mon œil. Pour le mot, je suis enseigné par les religions ont fait la guerre constamment. Alors, si à un moment donné, je te dis, moi, pour croire en Dieu, Dieu est sujet à tellement d'interprétations que je peux même pas communiquer ce que je veux communiquer. L'amour, c'est important, mais c'est pas l'amour. Bon, mais tout le monde a une idée, tout le monde a une idée, mais si à un moment donné, je peux définir exactement, je prendrai pas le terme amour. Parce qu'en mettant le terme amour, même ma définition disparaît. À cause que peut-être non lié à l'interprétation du mot amour déjà compris dans la mémoire de même que je parle. Alors, ce qui fait qu'il faut que je prenne de temps en temps d'autres termes. À un moment donné, on parlait d'astral. Pour pouvoir clarifier plus le phénomène de compréhension. Quand on parle d'ordinateur, ben, l'ordinateur, c'est quelque chose qui ordonne. Mais dans le sens classé, c'est dans le sens de l'exemple. Et c'est vraiment qu'on inventait à un moment donné, parce que ça n'existait pas. Pour que l'homme puisse plus clairement communiquer. Dans le domaine matériel, c'est comme ça. C'est normal, on a des satellites. On a des navettes spatiales. On a, bon, il y a des termes qui sont acceptés par le public. En psychologie, ben, il faut aussi qu'on invente de nouveaux mots. Il faut aussi qu'on réemploie des mots qui sont publiés, mais qui sont déjà dans le vocabulaire de l'homme. C'est important pour la communication, parce que tant que l'homme communique avec les mots, l'homme communique par interprétation, puis en communiquant par interprétation, il communique donc par déformation. Ça, je pourrais dire que pour moi, ça n'a pas d'importance dans la vie. Justement, c'est un problème de communication qu'on a. Par contre, pour la vie, c'est extrêmement important, la communication. Pourquoi? Parce que tous les offenses et les échanges énergétiques qui peuvent se faire, la grande majorité de ces échanges-là qui peuvent se faire entre les individus humains, entre espèces humaines, entre autres, là, puis d'autres espèces, peuvent se faire et se font surtout par la communication. Alors, pour nous, le langage. Exactement. Verbal. C'est ça. Entre autres. Ou télépathique. C'est ça, ou encore corporel, ou par langage écrit, mais surtout le langage oral. Oui, c'est très, très, très important. Parce qu'il y a différentes sortes d'énergies qui sont transportées par la voix, par la parole. Il y a une énergie qui est vibratoire, qui est simplement, qui peut, l'énergie même de la voix. Pour ça, il y a l'énergie qui entoure la parole même, la formation. C'est-à-dire que quand on forme un mot, on forme une forme, justement, d'énergie qui est projetée, qui est captée par les oreilles, puis qui va être interprétée, mais cette forme-là que je crée, moi, d'énergie, va influencer de différentes façons l'individu qui va le capter. Les insultes vont le faire réagir de différentes manières. Les mots doux, ça peut aussi finir dans des endroits mystérieux et secrets. Alors, la parole, l'idée même que je mets aux mots que je lance, c'est très, très important. Le seul problème de ce genre de communication-là, qui est quand même très archaïque, télépathique un peu plus subtil, c'est que la forme d'énergie, quand elle pénètre, est assujettie, est associée à la même, à sa correspondante, d'accord, psychologique, c'est-à-dire que si je donne le mot papillon, automatiquement, le mot papillon va pénétrer dans l'individu qui l'entend, puis va le coller à son mot papillon. Un processus qui est inconscient. Automatiquement, bien, la mémoire du mot papillon va faire ressurgir c'est quoi le papillon. Automatiquement, c'est pareil. Alors, moi, je parle de papillon, donc je parle d'un insecte qui vole, qui a des ailes, tout ça. Bon, ça va. Le mot lui-même a fait ressurgir de la mémoire de l'individu la définition du mot. Maintenant. Si c'est une personne mystique ou spirituelle, elle va voir ça plutôt comme une métamorphose. C'est ça que j'allais dire. Maintenant, tout dépend de comment a été programmée sa mémoire à l'homme. C'est comme un ordinateur, parce qu'il fonctionne pareil. Alors, tout dépend de son éducation, puis de tout son schéma de vie antérieure, ou de vie, je parle jour sur jour, depuis sa naissance à l'île jusqu'à aujourd'hui, sa vie éducationnelle, sa vie d'enfant, adolescent, adulte. Tout dépend de comment... Quelle définition a été incrustée dans sa mémoire avec le mot papillon pour l'instant. Alors, ce qui fait que si moi je parle d'un papillon, ben je vais automatiquement avoir une espèce de dessin de forme, il va être sur une fleur en train de voler, ou etc. Les couleurs vont être différentes automatiquement du tien. On parle de la même chose, on parle d'un papillon. Mais si on veut aller précisément, on ne parle pas de la même chose pendant tout. Toi, tu parles d'un gros, moi d'un petit, moi d'un bleu, toi d'un vert, du rouge, moi d'un de 4 ailes, tiens, peut être blessé ou non. Là. Moi, il se voit une fleur, le tien peut voler. Il peut en avoir d'autres autour. Il y a tout quoi, il y a paquet à paquet. Avec des mots avec une, qui transportent ou qui véhiculent une plus grande intensité, comme liberté, par exemple, ou amour, ou des choses comme ça, il doit y avoir encore autant de variantes plus d'individus. C'est-à-dire plus le mot. Plus le mot est moins. Moins le mot est défini, plus l'interprétation du mot, la déformation de l'énergie vibratoire que le narrateur a lancé, va être perturbé. Ouais, oui, c'est ça, exactement. Ça sera subjectif à ce moment-là. Si moi je lance le mot liberté, ben, à 10 millions de personnes, il y a des libertés en prison, il y a des libertés qui sont inconditionnelles, des libertés conditionnelles, des libertés dans tout. On peut avoir autant d'interprétations pour avoir d'individus. Ce qui fait que le mot, la vibration transportée par le mot, une vibration qui a une certaine forme, qui va influencer automatiquement l'auditeur, mais il va être assujetti à sa mémoire, qu'il a déjà lui-même de ce mot-là, de cette forme de mot-là. Et puis, va être interprété. Alors, quand tu définis un mot, ça veut dire que tu en expliques la c'est forme qui contient l'énergie. Le mot, ce qui fait qu'automatiquement, moi, la personne, elle associe tous les mots que je donne pour définir mon mot, tous les mots que je me sers comme explication, ça fait que normalement, elle devrait arriver aux mêmes réponses que moi. Mais vu que dans sa tête, les interprétations vont faire qu'elle va arriver à un autre cheminement, elle est capable, elle, de suivre mon cheminement quand même, automatiquement va voir ce qu'elle comprenait du mot liberté, par exemple, ce que moi je veux dire par le mot liberté. Si elle accepte que, OK, d'accord, c'est ce que tu veux dire, mais là, automatiquement, ma définition a presque sa définition. Est-ce que tu vois, toi, dans la communication, est-ce que tu vois des lois? Oui, ben, des lois. Des lois, c'est toujours un processus qui est incompris par l'homme, on met une loi. En réalité, non, il n'y a pas de loi, là, mais il y a quand même une démarche présentement que l'homme est obligé de suivre, qui à un moment donné n'aura plus à suivre. Comment est-ce que tu vois une bonne communication, toi, entre deux personnes? On a peut-être sur la même longueur d'onde, bon, mais c'est à peu près ça, étant donné que c'est vibratoire, que si on dit la foi, ça dépend premièrement de l'état psychologique des deux individus. Ça va de soi. Il y en a un qui doit être récepteur, l'autre doit être émetteur, ou les deux doivent être récepteurs et émetteurs. mais ils doivent être également récepteurs-émetteurs. C'est-à-dire que si tu as deux émetteurs en même temps, la communication peut à peu près pas exister. Deux personnes qui parlent en même temps. Exactement, qui doivent communiquer en même temps les mêmes des informations différentes, pareilles. Il ne peut pas avoir de communication. Deux récepteurs, deux personnes qui sont auditives, des auditifs qui veulent écouter, ben, la conversation va être plate. Et si tu as une personne qui doit absolument parler, puis une personne qui se doit d'écouter, ben là, tu peux avoir une conversation, il y a quand même une communication. Alors, il faut qu'il y ait un jeu d'alternance dedans. Pour avoir une conversation, mettons, bilatérale. Pour pas que la conversation soit rompue, il faut qu'il y en ait un qui commence, l'autre qui écoute, ensuite l'autre parle, c'est ça, et c'est ensuite ça. L'autre écoute. Je dis, il peut être récepteur et émetteur, mais quand même d'une façon égale. Alors, pas tout le temps émetteur, pas tout le temps récepteur. Ça, c'est une des premières lois, ça va de soi, des communications. Bon, et est-ce que tu envisages, toi, à un moment donné, dans l'humanité, où on va passer de ce langage, enfin, de la communication psychoverbale à une communication télépathique? Oui, c'est déjà commencé depuis des fois belles durées, sauf que c'est des phénomènes qui sont très, très, très isolés, puis qui sont plus souvent qu'autrement inconnus de l'homme même qui va le vivre. Ils sont inconscients. C'est dû à quoi, la télépathie entre deux personnes? Ah, c'est dû premièrement à des affinités qui sont vibratoires, des affinités qui peuvent être vibratoires au niveau du corps vital, du corps la vie, au niveau du corps physique, au niveau du corps émotif, du corps émotionnel, du corps astral, au niveau du corps mental, de l'intellect, sur d'autres plans, sur d'autres niveaux pour différents individus qui se font de moins en moins rares, mais qui présentement sont très rares. Alors, ce qui fait qu'au niveau télépathique, c'est pas une communication qui se fait comme la communication orale ou verbale. C'est une communication qui se fait instantanément, c'est-à-dire que toi, tu sais ce que moi, je veux communiquer, à l'instant même où je veux le communiquer. Alors, les parapsychologues disent, eux, dans l'étude du phénomène de télépathie, que ça prend un champ affectif. Ça veut dire des personnes au niveau émotionnel qui partagent les mêmes genres d'émotions. Mais là, c'est une télépathie qui est astrale, qui est presque physique. Oui. Je parlais d'une télépathie qui va être mentale. Parce oui. qu'il y a différentes façons de communiquer télépathiquement. D'accord? Toi, tu parles de longueur d'onde à ce moment-là. Automatiquement. Ce qui fait que moi, physiquement parlant, je peux me faire mal, puis toi, tu vas le savoir si on est en contact astral, c'est en contact émotif depuis longtemps. C'est comme dans E.T., ça, comme dans le film E.T. Oui, ça pourrait ressembler à ça, oui. Ou dans le monde, il y a plusieurs films, mettons, qui ont été faits dans ce genre-là. Les jumeaux vont souvent communiquer d'une façon qui est émotive. Alors, ils vont devoir. C'est une télépathie qui est corporelle. Si j'ai extrêmement faim, je peux me mettre en contact télépathique. J'ai une souffrance corporelle. Souffrance, ça peut être autant quelque chose de bon ou de mauvais. Mais mettons, j'ai quelque chose qui se passe au niveau du corps, qui est perçu par le corps astral, par le corps émotif. Automatiquement, ça peut mettre en contact mon émotion avec la tienne. C'est une communication qui s'approche de la communication verbale, qui n'est pas aussi instantanée, qui n'est pas aussi claire, qui est sujette à des formations et à plusieurs choses. Moi, je parlais d'une télépathie où tu parles où l'humanité s'en va. Une télépathie qui est mentale, qui est intellectuelle. Ce qui fait que ça se fait à la vitesse de l'électricité. C'est beaucoup plus rapide que ce que le corps émotif peut faire. Ça se rapproche assez de la vitesse de la lumière, mais c'est presque instantané. Mais vu les distances, c'est instantané. Une télépathie qui est mentale, qui n'est pas émotionnelle. Ce qui fait que c'est pas dans un état émotif particulier, dans un état de souffrance physique particulière, que je vais entrer en contact avec toi. Oui, bien, si par exemple je désire communiquer avec quelqu'un, c'est automatiquement un état émotif. Alors, moi, je parle d'une télépathie mentale. À un moment donné, on va discuter tous les deux. Et puis, là, je commence à développer un sujet. Oups, tu es correct, tu as tout compris, c'est bien, bien, bien clair, c'est parfait. Ça, c'est une télépathie qui est mentale. Comme là, l'homme s'en va de plus en plus la développer. Puis c'est le seul moyen de communication dans lequel n'intervient pas la déformation ou l'interprétation de la chose qui est communiquée. C'est de plus en plus vers ça qu'on s'en va. Est-ce que tu fais une différence entre le mot intellect et le mot mental? Ben, une légère différence, une nuance, encore une fois, mais on parle en termes de mots. Mais le corps mental, c'est quelque chose qui implique l'intellect de l'homme. L'intellect, c'est tout ce qui peut, c'est son phénomène de réflexion, l'intellect. Qui peut lui permettre de pseudo-agir dans le domaine, dans le monde physique. Par contre, l'intellect, il vient du corps astral, c'est-à-dire vient du corps et du corps astral. Le mental est lié au corps astral, mais là, on rentre un peu dans l'ésotérisme, dans les choses un peu plus avancées. La mémoire peut s'incruster dans le corps astral, mais la mémoire, ce n'est pas que le corps astral. La mémoire peut s'incruster seulement là, ce qui fait que bien souvent, on va dire que le corps astral est le corps des mémoires. La mémoire s'incruste là. Mais la mémoire, c'est elle qui permet à l'intellect d'exister. même si l'intellect est du domaine du mental et non pas du domaine de l'astral. L'intellect ne peut exister que dans le corps mental, ne peut pas exister dans le corps astral. On en a déjà parlé de toute façon. Si tu peux penser consciemment, c'est simplement parce que tu te sers d'outils qui sont tirés de ta mémoire. Si on peut parler, c'est parce que je me sers de mots que j'ai appris, donc qui sont dans ma mémoire. Si je peux marcher, fonctionner, faire quoi que ce soit, si je peux réfléchir de quelque manière que ce soit, c'est parce que je me sers de connaissances qui viennent de ma mémoire. Si j'ai aucune mémoire, je ne peux même pas avoir d'intellect. Je peux pas lire un livre, je peux pas rien faire, je peux pas conduire un auto, je peux absolument même pas réfléchir. Alors, ce qui fait que l'intellect peut vivre que dans le corps mental. Mais l'intellect, lui, vient de l'astral. C'est-à-dire que l'intellect vient de la mémoire, qui, elle, peut s'incruster que dans l'astral. Alors, il y a une nuance entre ces deux corps-là, puis entre la psychologie. Le phénomène psychologique, nous autres, c'est pas un phénomène qui est comme tel, tout à fait astral, tout à fait mental. C'est un phénomène qui est mémoriel. L'intellect en fait partie. Toute l'émotivité de l'homme en fait partie. Il y a d'autres choses de l'homme aussi qui en font partie. Ça, c'est le phénomène psychologique. Qu'est-ce qui se passe dans une conversation où une personne essaie de convaincre une autre? Au niveau de la communication, qu'est-ce qui va se passer? Il peut se passer différentes choses. Il peut simplement avoir une rupture de conversation parce que la personne qui veut convaincre n'a pas un auditeur qui veut être convaincu. Une personne que tu vas convaincre, c'est tout le temps une personne qui recherche, normalement. Donc, qui a des portes ouvertes à se laisser convaincre. Une personne qui est dans le besoin, qui est dans la crainte, une personne qui est dans la recherche. La personne qui se laisse convaincre, c'est une personne, donc, en partant, qui est auditeur. Qui est déjà d'accord à être auditeur. Maintenant, ce qui arrive, c'est que si moi, je suis capable d'employer la bonne forme orale, la bonne forme de vocabulaire, si j'emploie les bons mots, autrement dit, pour que l'association qui va en être faite au niveau de ta mémoire, de ta psychologie, puisse faire en sorte qu'elle soit acceptée par ta définition même, que soit toi-même de ces mots-là. Alors, pour convaincre quelqu'un, il faut déjà avoir une bonne connaissance de la psychologie de l'homme. C'est très, très important. Les hommes, les politiciens, justement, d'ailleurs, le savent. Si ceux qui ne le savent pas, c'est pas eux autres qui font leur discours, c'est d'autres qui connaissent la psychologie de l'homme. Et pour la personne qui se conscientise, qui va vers la conscience de plus en plus grande, est-ce que c'est nécessaire de convaincre? Non. La personne qui va vers une conscience de plus en plus grande va, à un moment donné, prendre conscience qu'elle n'a pas à convaincre. Parce que quand tu veux convaincre quelqu'un, c'est tout le temps parce que tu veux l'amener à tes idées. Puis quand tu amènes quelqu'un à tes idées, c'est tout le temps parce que toi, tu crois à que tes idées sont correctes. Puis quand tu crois que tes idées sont correctes, c'est tout le temps parce que tu ne sais pas. Puis quand tu ne sais pas, tu as tout le temps besoin de convaincre quelqu'un pour pouvoir te convaincre toi que tes idées sont bonnes. C'est d'ailleurs le phénomène qui existe dans n'importe quelle religion, philosophie ou quelque chose comme ça, où tu dois convertir pour pouvoir te garder à ta foi. Alors, quelqu'un qui se conscientise sait. Quelqu'un qui sait n'a pas besoin de convaincre. Il sait qu'en voulant convaincre, il va surimpressionner le mental de l'autre personne. Exactement, puis pour lui, c'est pas un but de la conviction, le fait de convaincre, ce qui fait que tu penses, tu crois pas, ça change rien, pas en tout à ton narrateur, il s'en balance, ça n'a aucune importance. Si tu poses une question, il va te répondre. Si tu es destiné, ben, à un moment donné, ça ne sera pas longtemps, c'est pas utile, ça n'a aucun rapport. Il n'y a pas besoin, moi, j'ai pas besoin que tu me croies pour pouvoir continuer à me croire. Je n'ai pas besoin de ça. Je crois pas, puis je n'ai pas besoin que tu me crois. Mais dans une communication où on n'essaye pas de convaincre, qu'est-ce qu'on essaye de faire ou qu'est-ce qui se passe? Il y a un cheminement qu'on a commencé à suivre, il y a un cheminement que tu commences à suivre, vu qu'on discute ensemble. N'importe quelle personne qui écoute va adopter le cheminement pendant un laps de temps, et puis on va cheminer ensemble. Ce qui fait que moi, je chemine, toi, tu chemines parallèlement à moi, puis on fait juste faire des échanges d'informations. Que moi, j'ai pu acquérir par certaines expériences. Peut-être que tu as pu acquérir les tiennes par d'autres expériences, qui fait qu'on fait un échange d'informations, histoire de sauver du temps. Il n'y aurait pas besoin de passer par ton vécu pour arriver à te connaître. Ma mémoire est aussi valable que ta mémoire, ce qui fait que si ma mémoire peut m'amener à quelque chose de concret dans la réalité, ben, la tienne peut faire la même chose, ce qui fait qu'on a quelque chose d'intelligent, qu'on n'a pas besoin de convaincre. On développe un sujet. Au même titre que si tu marchais dans la rue, tu fais un événement, tu vis une expérience. Et présentement, on vit aussi une expérience dans un événement. On parlait tout à l'heure à la pause, on parlait de la fatalité, parce que ton discours pourrait paraître ou ressembler à de la fatalité, mais il ne pourrait ne pas l'être si il y avait une conscience importante dans ta démarche. Et on a associé ça, au fait, aux lois qui régissent l'univers ou qui régissent la démarche de l'homme. Est-ce que ça ne viendrait pas du fait qu'on soit sous l'effet des lois qui fait qu'on n'a pas de libre arbitre et qu'en développant de la conscience, on se mettrait dans la loi à ce moment-là. On aurait un certain libre arbitre, peut-être au niveau mental ou je ne sais pas où. Mais ça veut dire que le libre arbitre, c'est un mot qui est dangereux. Le libre arbitre que l'homme parle, les deux libres arbitres que tu m'as parlé, c'est deux choses qui apparaissent similaires mais qui sont différentes. Toi, tu subis quelque chose, tu n'en es pas conscient. Par contre, tu crois contrôler ce que tu subis, contrôler ce que tu fais. Tu vas expliquer le fait que ton contrôle n'a pas fonctionné. Tu diras pas, bon, mais c'est parce qu'on n'a pas libre arbitre. Tu vas impliquer ça au fait que tu as mal contrôlé, que tu as été déficient dans certaines parties de la technique de contrôle que tu as voulu avancer. Alors, ce qui fait que tu vas quand même pouvoir toujours garder ton impression de libre arbitre, puis tu vas mettre le fait que tu ne contrôles rien dans le fait que tu n'as pas la technique adéquate, que tu n'as pas fonctionné comme il fallait, que tu ne méritais pas. Bon, ben. Bon, ce qui fait qu'à un moment donné, tu vas toujours vouloir croire que tu as un libre arbitre, malgré que la vie t'enseigne constamment que tu n'en as pas un, mais vu que tu tiens à y croire, tu vas trouver des raisons pour pouvoir garder cette croyance-là. Tu arrives à un autre moment donné où tu sais que tu as un libre arbitre, on pourrait dire spirituel, ou enfin beaucoup plus avancé, comme le deuxième libre arbitre que tu me parlais. Suivant le libre arbitre dans le sens que je sais ce qui va m'être, je sais ce qui s'en vient, je vois que c'est correct, puis j'ai aucun désir, aucun vouloir de m'en écarter. Donc, je fais le choix de continuer dans le chemin. Mais en réalité, est-ce que je fais un choix? Non, ça, mais on en devient conscient, puis on garde... Quand tu fais un choix, tu es obligé, si tu fais un choix entre deux choses, en fait, tu as deux choix. Mais si tu choisis, tu es obligé d'abandonner une chose. Donc, c'est pas véritablement un choix. Non, c'est pas un choix. Et puis, en plus, tu vas faire le choix à partir de ta mémoire, à partir de tout ce que tu as vécu avant. Ce qui fait qu'en partant, qui contrôle quoi? C'est ta mémoire qui fait le choix. Ta mémoire, c'est tous les événements que tu as rencontrés dans ta vie qui te l'ont donné. Alors, non. Sauf que c'est peut-être un sujet qui est présentement trop vaste à expliquer, qu'à un moment donné, on pourra expliquer, mais c'est quelque chose qui est peut-être vaste. Mais c'est pas fataliste. Parce que c'est pas le... Qu'est-ce qui est fataliste à l'homme? Le fait de mourir, c'est fataliste à l'homme. Mais l'homme, en enfant, il va mourir. Tu fatalises de dire que c'est un fait. C'est pas fataliste, c'est un fait. Bon. Mais si, par contre, je suis convaincu que non, je ne vais pas mourir, bien là, c'est fataliste de parler de la mort. Mais c'est pas important de parler de la mort. C'est une chose qui est normale. Bon. Quand le papillon, quand la chenille meurt, puis elle se fait un cocon, puis elle se fait un cercueil, tout ça, à un moment donné, elle meurt en papillon, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a de fataliste là-dedans? Alors, la fatalité de l'homme est simplement déterminée par son vouloir de fuir une chose qui est réelle, puis essayer d'expliquer cette fuite-là par des raisons qui viennent de ses émotions, qui viennent d'apprentissage. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Pourquoi est-ce qu'on se pose tant de questions? Et parce qu'on cherche tant de réponses. Puis pourquoi qu'on cherche tant de réponses? Ben, c'est parce qu'on se pose tant de questions. C'est aussi simple que ça. C'est vraiment stupide. C'est un cercle vicieux. Est-ce que toi, tu en es arrivé à plus te poser de questions? Non. Je me pose encore quelques questions, puis toutes les fois que je me pose des questions, ben, je me rends compte que j'ai toujours la réponse avec, pas avec la question, que je le savais déjà. Il faut qu'il y ait un moment donné où c'est que le fait, puis ben, à un moment donné, je m'en poserai plus non plus. Et présentement, je suis encore à une étape où je m'en pose. En même temps que je me la pose, ben, la réponse est toute là. Et n'importe quel individu qui pose une question a la réponse. Mais l'individu s'attache seulement à ta question et à son désir d'avoir une réponse qu'il ne peut pas avoir la réponse qui est attachée, qui est liée à sa question. Bon, alors toi, tu as fait table rase des enseignements du passé et tu vis au jour le jour, instantanément, et tu découvres, ce que tu découvres, c'est au moment où tu fais l'expérience, au moment où tu poses un pas. Ouais. Tu ne regardes pas plus en avant, pas plus en arrière. Non. Tu peux regarder fouiller en arrière à un moment donné si tu me demandes d'aller fouiller dans des souvenirs ou quelque chose comme ça. Mais c'est simplement pratique. Mais ce n'est pas ces souvenirs-là qui vont contrôler mon avenir, qui vont contrôler mon présent. Est-ce que le souvenir aurait un aspect négatif pour toi? Non, un souvenir, c'est extrêmement utile à la condition que le souvenir ne vienne pas teinter ta conscience du présent. Si c'est des souvenirs de souffrance passée. Si moi, je vais avoir un but d'horreur, puis si je m'en vais me coucher chez moi, puis j'ai peur toute la nuit, ben, c'est évident que je suis contrôlé par mon émotivité, par ma mémoire, par mon corps astral. Et puis, c'est quelque chose qui est négatif à l'homme. Mais il dit à un moment donné, tu sais que ça t'arrive plus. Tu vas voir une vue. La vue, si tu décides d'avoir peur pour pouvoir vivre certains événements parce que tu en es conscient, aucun problème. Quand tu sors de là, ben là, c'est fini. Tu vas te coucher, tu dors aussi bien. Il n'y a aucun problème. qu'est-ce qui fait que tout le monde en ce moment parle de, ou dénonce, si tu veux, l'attachement à la mémoire, aux émotions, etc. Qu'est-ce qui fait que soudainement un mouvement comme ça naît dans le monde Présentement, c'est une mode. C'est simplement, c'est le même phénomène qui est arrivé au cours de des milliers d'années. Toutes les choses qui ont été conceptualisées par l'homme, des idées que l'homme avait de la compréhension de certains phénomènes, de certaines choses, des explications qu'il amenait pour expliquer des choses qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas voir. C'est-à-dire pour essayer d'expliquer des choses que lui-même avait créées, ben, on finit par abandonner tout ça et on cherche d'autres choses. Présentement, on est rendu où c'est que certaines personnes qui commencent à comprendre ont parlé justement du fait que la mémoire, c'est quelque chose qui était dangereux à l'homme, en ce sens que la mémoire contrôlait l'homme. La mémoire, c'est un outil qui est utile. Et quand l'outil contrôle l'ouvrier, c'est plus bon, c'est dangereux. Simplement, l'homme s'est accroché à cette découverte-là, qui avait certains sens certaines personnes, qui sont accrochées après, qui ont décidé que c'est ça, la mémoire, c'est le lieu pour balayer la mémoire. Ils balayeront jamais la mémoire. Présentement, ils vivent même pas ça. C'est leur mémoire qui le rappelle, qui ont entendu parler. Bref, c'est pas ça. La mémoire, c'est un outil qui va toujours être utile et qui est encore utile. Pour l'instant. Toujours être utile pour l'instant. Je comprends pas. Oui, c'est ça. C'est parce que je parle trop vite. La mémoire, c'est une chose qui, à un moment donné, va arriver d'elle-même à sa fin. C'est pas dans le vécu de l'homme présent. Présentement, dans l'homme, il n'y a pas de mémoire à balayer. La mémoire, c'est quelque chose qui est utile. Puis l'homme doit simplement prendre conscience de sa mémoire, puis prendre conscience de l'endroit où elle est utile, puis la laisser là. Puis la laisser sortir. C'est-à-dire que si la mémoire vient continuellement teinter, pas quelque chose de teinter ta réalité, mais ta réalité ne peut pas être réelle. Ta réalité est teintée de choses qui viennent de ta mémoire, de choses qui n'existent pas. Ta réalité est illusion. Ça peut pas être réelle. Est-ce qu'il y a par le passé des maîtres qui ont fait cette prise de conscience? Oui, il y en a plusieurs. On pourrait parler, il y en a un bon pas, parce qu'il y a ici dans la salle, je pense, déjà d'un peinture qu'il y a ici, ça définit déjà plusieurs maîtres qui ont pris conscience de ça. Dans les maîtres contemporains, il y a maître. Il faut s'entendre avec maître, hein, c'est un mot pas mal suspect. On va en parler. D'accord. Bon, alors, regardons le mot maître pour l'instant, là, mais il y a eu quand même Krishnamurti, il y a eu Rodolphe Steiner quand même qui s'est pas mal rapproché s'il ne l'a pas fait. On ne connaît pas certains de faire sa mortalité. Oui, il y aurait Bernard de Montréal, que je connais pas, mais que j'ai entendu parler quand même assez. Puis je pense qu'effectivement, ce que j'ai pu écouter sur les trois cassettes prouve que la personne, justement, se concentre sur ses mémoires, parce qu'ils se sont classés. Puis là, que vous autres. Est-ce que c'est, pour toi, est-ce que c'est correct d'appeler ces gens-là des maîtres? Non. Alors, c'est correct pour l'individu qui, justement, ça devait toujours s'attacher à quelque chose pour pouvoir le suivre. Même s'il ne comprenait pas, il s'attachait. Puis certains sont attachés à des erreurs. Puis ils sont ramassés avec le précipice. D'autres, par hasard, on peut dire, sont attachés à des réalités, puis ont été sauvés. Quand je dis par hasard, c'est parce que le monde était prêt à s'attacher à ces réalités-là, il n'y avait pas besoin d'expérimenter une erreur. Est-ce que des gens comme Rudolf Steiner, Krishnamurti ou Bernard de Montréal se sont fait appeler maîtres? Est-ce qu'ils ont voulu qu'on les appelle maîtres? Non. Non, Krishnamurti, non. Je pense que de par son vécu, on peut voir que Krishnamurti n'a jamais voulu se faire appeler maître. Bernard de Montréal non plus, de toute façon, tous ces bonhommes-là sont toutes des formes, mais la forme astrale que le public crée, c'est pas des maîtres. Maître veut dire maîtriser. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voulu qu'on les appelle maîtres? Ben, parce qu'ils n'étaient simplement pas des maîtres. Premièrement, si moi je t'appelle maître, c'est qu'en partant, je t'alloue des capacités, je t'alloue des connaissances, des savoirs, des possibilités que moi j'ai pas. Et puis en plus, je m'attache automatiquement au chemin que tu as vécu puis au chemin que tu vas continuer à tracer. Je m'attache à toutes les parcelles de connaissances qui se sont bien derrière de toi. Donc, des choses que moi, je vais mémoriser, mais je ne pourrais jamais vivre ton vécu. Pourquoi? Parce que je t'attachais à ce que tu fais, à toi-même, à ta connaissance. M'attachant à ça, moi, je suis plus moi. Je dois donc vivre ta vie, les souvenirs de ta vie. Je prends ta vie, j'emprunte ta vie puis j'essaie de me l'attacher. Je ne peux pas réussir à vivre ma vie, moi, si je m'attache à la tienne, parce que là, c'est une vie d'emprunt que je vis, comme dirait Krishnamurti. Alors, le fait de t'appeler maître, c'est simplement que je détermine déjà dans ma conscience des choses qui sont illusoires. C'est un assujettissement. Quoi. Automatiquement, je me colle à toi, puis je décide que tu es la vérité, tu es maître, tu es mon maître, tu es ma possession même, et c'est grâce à toi, c'est avec toi que je vais arriver à comprendre. En partant, je comprends absolument rien. Ces bonhommes-là le savent. C'est pour ça que ces bonhommes-là n'ont pas de disciples, ils n'en veulent pas non plus. C'est pour ça que tu payes pour les voir. Un disciple ne paye jamais pour aller voir son maître. Alors, celui qui a des disciples, c'est dans une forme spirituelle? Automatiquement. C'est pas mauvais pour les disciples. Mais, à un moment donné, le disciple va s'en aller. C'est normal. Mais est-ce que c'est pas justement le travail du maître de libérer les disciples? Ben, consciemment ou inconsciemment, c'est son travail, c'est un fait. Ouais. Parce que celui qui a compris, il ne vit plus à la remorque de quelqu'un, c'est ça que tu veux dire? Pas vivre à la remorque, mais tant que t'as peur, tu vas t'assujettir à une remorque. Ça peut être une remorque religieuse, émotive, une remorque matérielle, une remorque émotive, émotionnelle. Alors, il y a des trucs extrêmement dangereux dans lesquels toi, tu peux t'accrocher, tu peux embarquer dans un gros trailer, là, plein de monde là-dedans, là, puis on s'en va, on suit le gars qui chauffe, c'est lui qui est le maître. À un moment donné, quand tu te rends compte que le gars s'en va pas où tu veux aller, tu veux sortir, il y a des maîtres qui veulent te garder, il y a des disciples qui veulent te garder, parce que comme tout à l'heure, je t'expliquais, tu suis un maître et tu crois. Si tu crois, ben, faut te convaincre. T'empêches le monde de sortir du trailer. Alors, celui qui est un maître véritable, authentique, ne se fait jamais appeler maître. Alors, un maître, ce n'est pas un maître. Exactement. Un maître, ce n'est pas un maître. C'est une personne bien normale. C'est une personne qui, à un moment donné, est lâche. D'autres personnes vont traiter de maître. Presque l'infini. Mais tu dis elle est normale. Qu'est-ce que tu veux dire par elle? C'est une personne bien normale. C'est une personne comme tout le monde. C'est une personne qui est partie de la base, que tout le monde a, puis qui, à un moment donné, s'est développée de par son cheminement, de par sa vie, puis par une compréhension des phénomènes planétaires peut-être un peu plus bas que la majorité de l'homme. Alors, elle est paranormale. Elle est au-delà de la normalité. Elle est au-delà de la normalité, sauf que tout le monde peut arriver à la même chose, à la condition que tout le monde vive sa propre vie. Oui, mais si eux n'étaient pas là pour en parler de leur expérience... Ah, ben, ils sont là parce qu'ils ont une raison, justement, d'être là. Sauf que, ben, c'est pas... faut pas qu'on s'accroche à ça, c'est pas des maîtres. On n'a pas besoin de maîtres. On n'a pas à s'accrocher à quoi? Au phénomène même du maître, au bonhomme même. Ce qu'il faut dire, ça peut t'aider, c'est merveilleux. Mais tu t'en vas avec, t'as quoi? T'as pas besoin d'être accroché à un bonhomme, à un moment donné, de te dire, je vais le suivre, c'est lui, tout ça. Non, c'est absolument ridicule, ça, tu peux pas rien faire. Bon, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors, monsieur n'est pas d'accord avec la définition du mot maître. Alors, pour monsieur, quelqu'un qui est un maître, c'est quelqu'un qui a atteint les deux polarités. Je vous cite textuellement. Alors, il a tous les pouvoirs du cosmique comme Jésus. Bon. Alors, il s'agit... Est-ce que vous êtes bien certain du terme « atteindre les deux polarités » Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que c'est une personne qui a atteint les deux polarités? Non. Mais de toute façon, non. Est-ce qu'il ne s'agit pas de les dépasser, justement? Oui, c'est qu'à un moment donné, on finit par pouvoir synthétiser les deux polarités pour le départ. Il n'y a plus de polarité. Polarité, c'est dans le domaine de l'homme, puis c'est un phénomène psychologique. Bien plus mal, ça n'existe pas. C'est l'homme qui l'interprète. Mais je pense qu'on est d'accord, parce qu'il ne fait que dire ça, que le maître, c'est celui qui a dépassé la polarité. Qui a dépassé la polarité, au niveau de la prise de conscience, d'une supraconscience, c'est en dehors de la polarité. Il ne faut pas que la discussion s'en aille à rien, c'est simplement, comme tout à l'heure on parlait, la définition des mots, c'est une chose, j'ai expliqué tout à l'heure comment ça se faisait. Alors si, pour vous, le mot maître, définition, il n'y a aucun problème, c'est votre définition. Mais le mot maître dans lequel on entendait nous, c'est le maître... le maître qui est défini par la population qui s'attache à une personne et qui décide de le suivre. C'est de ces maîtres-là qu'on parlait. Mais tout à l'heure, François disait, alors tu comprends bien, mettons, Krishnamurti, c'est un maître, sauf que jamais, c'est pas un maître. Il n'a jamais voulu se faire appeler maître. Alors, c'est simplement ça. C'est qu'il faut faire attention avec les mots. Tout à l'heure, ce qu'on parlait, c'était ça. Moi, à un moment donné, on m'a donné des noms que j'ai jamais voulu. Puis, il y en a beaucoup d'autres. Moi, Krishnamurti, si on peut juste en parler simplement comme ça, il y avait 100 000 personnes réunies dans l'organisation, puis à un moment donné, il a fait une réunion, il s'est levé, puis il leur a dit, ben voilà, la vérité, la réalité peut pas rester sous un toit, puis en plus, tout le monde m'appelle maître, tout le monde est en train de former un mur de briques, là, de divinité autour de moi. Moi, ça me tente plus de jouer votre jeu idiot, ben, je m'en vais. Puis il est parti. Il a laissé foirer ça là. Le monde a rebondi ça pareil, puis on commençait à adorer quand même ce que Chandler avait dit, malgré que lui était parti. Lui, c'est pas un maître dans le sens qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, c'est pas un gourou. Bon, alors ça c'est intéressant, la différence entre un maître et un gourou. Ben, le gourou est souvent un maître, mais dans le sens qu'on parlait tout à l'heure, dans le sens matériel du mot. Mais un maître, ça sert à quoi de l'appeler quelqu'un un maître? On est tous des maîtres. Sauf que c'est évident, comme tout à l'heure dit monsieur, si on parle de Jésus-Christ, bon, OK, c'est une personne que j'aimerais bien rencontrer, que j'aimerais bien discuter avec, puis que j'écouterais. Mais de là, aller me jeter à ses pieds, tout ça, ben là, quand on parle du maître, Jésus-Christ, je pense qu'il me maudirait bon coup de pied, parce que je pense pas qu'il aimerait que le monde vienne se jeter à ses pieds. Il y a eu un moment donné que c'était nécessaire pour l'humanité, ça va toi, le monde s'accrochait seulement à ces choses-là, c'était bon. Mais aujourd'hui, c'est plus de croire en ce qu'on dit, c'est de comprendre ce qu'on dit. Puis quand on comprend, ben c'est pas parce que je le dis. Comprend. Et s'il vient me vénérer, je suis un maître. S'il me laisse vénérer, ben là, je suis un gourou. Mais le monde aime ça, ce traînage. Eh bien, c'est évident que le monde aime ça parce que ça les rassure. On n'a plus à chercher. Pendant longtemps, moi, je cherchais tout seul. J'espérais rencontrer Dieu, rencontrer quelqu'un qui viendrait commencer à m'établir mon chemin et à me définir. Parce qu'en plus, j'aurais pu me casser la tête. C'est trop dur, toutes les fois qu'il y a des chemins qui sont définis dans ce genre-là, je ne peux plus croire. Fait que là, je suis rendu, j'en suis rendu, sauf que là, je n'ai plus besoin d'avoir. Est-ce que ça veut dire que cette démarche-là est solitaire? Est-ce que tu es seul? Je ne suis pas le seul, mais c'est une démarche solitaire. Non, mais je veux dire, est-ce que tu es seul dans le sens qu'il y a peu de personnes avec lesquelles tu peux communiquer ce genre d'informations ou échanger? Dans le sens qu'on le fait asseoir, non, il n'y a aucun problème, on peut communiquer ça à beaucoup de monde. Certaines personnes avec qui on peut échanger des conversations, des choses, on peut échanger. Pourquoi c'est dangereux de pouvoir étaler sans plus? Il y a un temps alors pour chaque chose, pour chaque compréhension. Oui, il y a certains individus qui sont prêts et qui viennent là pour ça. Certains individus viennent pour pouvoir se faire casser des formes plus solidement que d'autres. Oui, il y a toujours un temps. Bon, ça va de soi. On n'a pas à déterminer quoi que ce soit. Ça vient tout seul. Quand on dit tout vient tout seul, ça ne veut pas dire qu'on s'appuie sur sa chaise et qu'on se dit, mais attends, on va m'amener, crée mon avion, on va venir me chercher ici. C'est pas bien partout. Non, c'est pas ça. À un moment donné, si moi je vais voir l'aéroport, je prends l'avion, ça, je vais y aller. C'est pas naturel, c'est ça qu'il y a. C'est qu'une personne qui n'a pas la compréhension du jeu du temps va l'interpréter justement d'une façon qui est suspecte et dangereuse. Alors, justement, c'est pas le temps de commencer à parler de la compréhension du temps, parce que l'homme n'est pas prêt à l'entendre parler, l'homme va l'interpréter. Il va tout le déformer. Ça peut pas être appliqué dans un phénomène, dans un vécu quotidien, la déformation que l'homme va faire de l'explication qu'on peut donner du contrôle. Tu donnes un séminaire, je crois que c'est la semaine prochaine. Oui, je donne un séminaire intensif, une fin de semaine complète, dans une auberge d'un canton de l'Est, une auberge qu'on donne complète. C'est pas un séminaire oral, c'est un séminaire où le monde va vivre de quoi. Puis par les expériences qu'ils vont vivre, qu'ils vont comprendre des choses, on va pas loin, c'est simplement leur faire comprendre c'est quoi le phénomène astral à l'intérieur d'eux autres, c'est quoi le phénomène mental, puis à travers les événements qu'ils vont vivre là, c'est quasiment une colonie de vacances, ça dure deux jours, à l'intérieur des événements qu'ils vont vivre, ils vont être capables d'acquérir de par eux-mêmes le discernement entre l'astral et le mental. À partir de là, oui, c'est dans des événements, mais tout au long de leur vie, quand l'émotivité, quand la phrase vient teinter le mental, ils vont s'en rendre compte. Ils souffriront plus, ils n'auront plus de douleur, ils n'auront plus de crainte, ils vont être capables d'agir mentalement dans un monde qui est justement mental. De plus en plus, c'est mental. On a des ordinateurs, on a des radars, les avions sont contrôlés simplement par des choses électriques. Tout ça est identique au phénomène mental de l'homme. Ça veut donc dire que toi aussi, tu suis la mode. C'est-à-dire? Mais puisque ce sont encore des thèmes qui sont à la mode aujourd'hui, l'astral, le mental, etc. Parce que oui, je suis la mode dans le sens que je communique par les mêmes mots. Mais je le mot à moi, lentement, j'ai des mots qui vont être un peu plus clairs que ces mots. Alors, il aurait peut-être fallu employer un autre mot que mode. Est-ce que tu aurais un autre mot que mode? Parce que je trouve que ça traduit pas oui, très bien. Oui, mais c'est très bien aligné présentement de l'évolution du vocabulaire de l'homme. Et les précurseurs qui sont passés avant moi, je ne suis pas là pour détruire l'avant-garde. On ne fait pas une compétition. S'il y a un mot, à un moment donné, qui sont capables de bien le définir et de le lancer dans le public, c'est pas la gêne d'employer le même mot que lui. C'est une mode, c'est une idée qui est lancée. À un moment donné, on va parler d'intelligence passive, on va parler d'intelligence active, on va parler de d'autres choses qui vont définir encore plus les mots. Et puis, il y en a d'autres qui vont se suivre, qui vont utiliser les mêmes mots. Puis je pense que c'est bien normal. On n'a pas à se sentir culpabilisé ou encore à s'enorgueillir de prendre le mot d'un autre. Si le mot est bien défini, le mot est bien lancé, ben tout ce vocabulaire qu'on se sert, les mots que d'autres ont lancé. C'est pas une mode, c'est une énergie qui est lancée, puis les mots vont lancer. Bon, alors, le thème de ton séminaire, c'est de l'astral au mental, le programme. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que ce passage de l'astral au mental? C'est-à-dire que l'homme ne passe pas de l'astral au mental. Présentement, l'homme a un cerveau qui lui permet de prendre conscience qu'il a un cerveau. Ça, c'est important dans l'évolution de l'homme. L'homme sait qu'il pense. Chaque individu est capable de prendre conscience qu'il pense. Donc, il est capable d'observer autrement qu'avec sa pensée, il est capable d'observer qu'il pense. Il est capable de prendre conscience, donc, du mental, donc, de l'astral. Il est capable, en prenant conscience de ces deux corps-là, de ces deux schémas-là de l'évolution de l'homme, il va être capable de laisser l'un à sa place et d'empêcher l'autre, justement, de grimper à la place de l'autre. Alors, il va acquérir un discernement, il va savoir quand l'astral le domine. Présentement, bien, la majorité de l'humanité est dominée complètement par son schéma émotif, par son schéma astral. Puis ça, l'homme, certains individus vont arriver à ça en vivant une expérience comme à soi, une expérience qui est orale. Une personne, à un moment donné, là, ils sont rendus à un développement tel que juste le fait d'assister à une conférence ou à un séminaire verbal va les amener à comprendre, à discerner, à se libérer du phénomène astral. La libération se fait comme une étincelle, mais elle s'éteint. Puis la personne, au cours du 6 mois ou de l'année qui va suivre, va pouvoir refaire le schéma, le même cheminement. Elle va arriver au même résultat sur votre tête, là, bien, pour tout le temps. Sauf que d'autres individus peuvent pas, par un séminaire verbal ou une conférence, arriver là, mais ils ont la vibration, ils sont prêts. En faisant des expériences, c'est-à-dire qu'au lieu d'attendre un an dans des expériences, si les expériences sont continuées et regroupées, par exemple une fin de semaine, à un moment donné, ça sera une semaine, bien, l'individu peut arriver drôlement plus rapidement à discerner. Ceux qui vont discerner, c'est ceux qui sont prêts. Alors, ça veut dire que tu vas, en quelque sorte, télescoper les événements qui arrivent dans une vie en quelques jours. Oui, c'est ça. Ou des événements importants. Oui. Pour susciter une prise de conscience. C'est ça, exactement. Des événements qui ne sont pas dangereux, mais qui vont effectivement clarifier énormément de choses, qui vont susciter une immense prise de conscience. Sauf qu'au lieu d'expliquer c'est quoi, ils vont le vivre. La différence, c'est... Ils vont expliquer c'est quoi. Et la différence, c'est qu'à ce moment-là, c'est leur propre découverte. Exactement. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de devenir un maître. C'est eux-mêmes qui vont vivre une expérience. C'est pas parce que je l'ai fait glisser en train de sauvage à un moment donné que je suis un maître. Mais si en glissant en train de sauvage, je découvre de quoi, de par des choses qui ont été dites par d'autres qui font le séminaire, par des petits événements qu'on a placés, bien, c'est eux autres qui ont découvert ça. Puis après ça, quand on fait un retour là-dessus, eux autres, ils vont commencer à expliquer exactement ce que j'explique. Alors, moi, j'aurais pas besoin d'expliquer. C'est compris parce que c'est expérimenté. Exactement. Il y a juste dans l'expérience qu'une personne va comprendre. Après, on peut le mémoriser, mais au bout d'un certain temps, ça va pouvoir le remettre dans son défi, ça va pouvoir le vivre. Mais il y a juste l'expérience qui permet la compréhension. L'expérience peut se faire sur une chaise comme là à soir, mais l'expérience, plus souvent qu'autrement, va se faire dans une activité qui est plus en accord avec l'intellect et l'émotivité de l'homme. Oui. Donc, un événement qui va être plus vivant. Alors, c'est dans le but de forcer, si tu veux, les événements. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Est-ce que tu vas essayer de faire surgir l'astralité de la personne assez fortement pour qu'elle puisse la cerner, la voir? Exactement, oui. La personne va, à un moment donné, va vivre des expériences qui vont être dominées que par son schéma astral. Alors, elle va finir par en prendre conscience. Et à un moment donné, il y a des événements qui vont que nécessiter le travail du schéma mental. L'astral vient s'en mêler tout ça, mais vu que le mental, c'est lui qui est le plus suscité, mais la personne va être capable de voir où sont les teintures astrales. Soit qu'à un moment donné, mais au cours de différentes expériences, la personne va être capable réellement de voir comment ça fonctionne. Mais pourquoi tout ça, en fait? Pourquoi? Pourquoi tout ça quoi? Oui, pourquoi amener ces gens-là à discerner la partie astrale de leur corps et la partie mentale ou leur corps astral? Simplement parce que présentement, le frein de... Là, je te donne l'explication qui est exotérique. Alors, le frein de l'évolution de l'homme, c'est simplement le fait que le mental est complètement contrôlé par l'astral. L'une fait, c'est que l'homme a développé un corps émotif qui en avait absolument besoin pour pouvoir communiquer, prendre contact avec tout le schéma de la planète, connaître les animaux, les insectes, les plantes, former une science, tout ça. À travers son évolution émotive, lentement, il y a une autre parcelle qui a commencé à se développer, une parcelle logique, qu'on appelle l'intellect. L'intellect a commencé à pouvoir se servir de la mémoire, donc des émotions, tout ça, pour pouvoir réussir à créer une science qui est plus concrète, la chimie, la physique, etc., qui en arrivait à nous-mêmes à pouvoir avoir un monde comme il le présentait, un monde qui est quand même matériellement parlant, ce qu'on dit. Mais l'astral, l'immobilité de l'homme, s'est continuellement servi de la possibilité qu'avait l'intellect de pouvoir gérer comme il faut l'extérieur. L'astral s'en est servi pour pouvoir assouvir continuellement ses besoins, ses craintes, ses peurs, ses désirs. Et à un moment donné, aussi comme présentement, l'intellect est tellement extraordinaire qu'on peut avoir des bombes nucléaires, qu'on peut avoir des moyens extraordinaires pour sauver les hôpitaux, qu'on peut avoir des avions qui vont des pièces extraordinaires aussi. Sans risque d'accident, on a des satellites qui repèrent où les avions s'écrasent, alors on peut sauver les rescapés. On a tellement de choses que toute cette technologie-là, mentale, est toujours là encore pour assouvir les peurs, les craintes et les désirs astrales. C'est-à-dire qu'on arrive à une époque où on approche de l'apocalypse. Apocalypse qui aura peut-être pas lieu, mais qui aura même sans doute pas lieu. Pas dans le sens en que l'imagination de l'homme le croit ou le crée. À condition que cette prise de conscience se développe. Exactement. À la condition que l'homme, à un moment donné, prenne conscience du schéma astral, du schéma mental. Le mental va se servir peut-être de l'astral pour certaines choses, mais ça va être beaucoup plus intelligent. Autrement dit, la lumière va commencer à diriger l'homme, ça veut dire que le mental va être capable de commencer à diriger l'extérieur, et non pas à partir des émotions, des peurs ou des craintes, etc., de l'homme lui-même. Alors, tu fais comprendre, en ayant cette prise de conscience-là, non seulement l'apocalypse, en fait, qu'on imagine, ben, il est carrément éliminé, parce que l'homme ne travaille plus en fonction de ses émotions, l'homme va travailler en fonction d'un schéma qui est logique, qui est, pourrait dire, industriel, dans le sens que quelque chose de constructif, de créatif, et pas dans le but d'assouvir des émotions cachées, des émotions conscientes. L'homme va travailler parce qu'il va commencer à prendre conscience d'un schéma d'un plan universel ou d'un plan planétaire, parce que la logique de l'homme peut s'en rendre compte si l'émotion ne vient pas cacher ça. Et puis l'homme va commencer à travailler en construisant, en créativement parlant. Il peut nous reprendre à un moment donné, parce qu'il va avoir son mental, peut faire tout ce que l'homme a besoin pour éviter ces choses-là. Mais l'émotivité dit qu'il faut que ça fasse plus d'argent, même que des millions, puis il n'y a plus d'eau, on s'en fout, puis en plus on va être mort à l'avant. Et à un moment donné, ben c'est ça. On a peur que l'autre attaque, fait qu'on va aussi, bon, on va aussi des trucs. Moi, je vais garder mon gouvernement en place, alors je suis vraiment, comme tout à l'heure, je sais plus quel gouvernement se doit de créer la condition qu'il garde là. Bon. Et ça, c'est tout émotif, tout astral. Alors, le mental de l'homme, l'intellect de l'homme, qui est extraordinaire, il est né de l'astral, mais qui m'était indépendant, comme l'enfant, à un moment donné, doit être indépendant de sa mère, son père. Alors, le mental est prêt pour construire, on en a l'expérience, de par la vidéo, les choses. Le mental peut construire n'importe quoi. On a tout ce qu'il faut présentement pour que l'homme vive heureux, mais heureux, c'est incroyable, il puisse créer, puis se développer d'une façon absolument paranormale, ça fait plus que la normale. On pourrait donc passer de l'apocalypse éventuelle à l'apothéose. À l'apothéose. Oui, exactement, mais c'est sans doute ce qui va arriver. Oui. Mais la prise de conscience est importante, et à un moment donné, il y a de plus en plus d'individus qui vont pouvoir prendre conscience de leur schéma astral, de leur schéma mental, puis faire la division entre les deux, puis s'en servir d'une façon intelligente, dans le sens que. On parle d'être de lumière, là, bon, on a d'une façon intelligente. Oui, mais il reste un hic quand même. Il faudrait qu'il y ait à peu près à ton séminaire une participation de 4 500 millions d'individus. Il faudrait que d'autres personnes fassent pareil et d'autres qui font pareil. Mais les individus tout seuls dans la société font le même cheminement. Mais les enfants d'aujourd'hui me portent plus souvent qu'autrement tout seuls dans de la peine, dans de la misère, parce qu'ils n'ont pas la condition sociale pour pouvoir s'évoluer. Mais la majorité des jeunes n'auront pas besoin des poissons en séminaire. Puis là, je parle quand même. Puis là, je suis toujours jeune. Puis là, je suis quand même ton 15-16. La population, peu de poids, génétiquement parlant, héréditairement parlant, est enclin à arriver à changer. Ils vont faire le passage de l'astral au mental. Sauf que les individus plus âgés, ben, à un moment donné, il y en a qui vont le faire seul, mais il y en a d'autres qui vont avoir besoin de choses comme ça. C'est pour ça que je suis pas le seul. C'est pour ça que ça existe. Alors, si d'après toi, l'astral a accouché du mental, est-ce que le mental va accoucher de quelque chose? Est-ce qu'il y a une autre étape après ça? C'est-à-dire que le mental a accouché de l'astral. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'autre qui va accoucher du mental? Non. Il n'y a rien qui va accoucher du mental par après. Le mental, l'astral, tout ça, là, c'est la limite même de tout ça. Par contre, le mental va attirer d'autres genres de vibrations. Il ne les engendrera pas. Il va les attirer. Il va pouvoir se communier avec eux autres. Alors dans le développement de l'humanité, tu peux pas voir, on ne peut pas voir plus loin que ce développement-là de phase de mentalisation. Au niveau de la mentalisation, ça veut dire que le mental va devenir de plus en plus perfectionné. Et puis au lieu d'être teinté par l'astral, lentement le mental va être teinté par une autre forme d'énergie qu'on appelle le lumière. Le mental va être au service d'une forme beaucoup plus créative que certains appellent le mental supérieur ou les énergies supramentales. Alors, le mental va être toujours contrôlé, donc il faut être contrôlé par une force qui est émotive, une force qui est aberrée et non intelligente. Lentement, le mental de l'âme va être contrôlé par une force qui est intelligente, qui est créative. Là, l'âge d'or de l'humanité va commencer. On est parti pour quelques 13 000 ans. Alors, dans une phase intermédiaire, on passe donc une phase de crise qui est celle de la transmutation des énergies émotionnelles en énergie mentale. Oui. Après quoi, il y a une énergie, une volonté peut-être à faire descendre dans le mental. Dans une forme d'énergie. De perfection, peut-être. Oui. Ça veut dire que c'est ça, exactement, oui. Une forme de perfection, oui. Mais une autre transmutation qui fait que le mental va finir par être assujetti à une force qui va être plutôt supramentale, c'est-à-dire un mental supérieur, donc plus intelligente que le mental. Est-ce qu'il y a des hommes sur Terre qui ont perçu ces phases-là ou qui ont déjà parlé d'une phase supramentale dans l'évolution future de l'humanité? C'est-à-dire que présentement, il y en a, oui. Qui ça, par exemple? Il y a toujours Bernard. Il y a moi. Et puis? Il y en a eu d'autres. Je pense que les premiers à en avoir parlé, c'était Aurobindo. Oui, d'accord. Dans le passé, un peu comme Aurobindo. La mer. Oui. C'est juste que Krishnamurti s'en est rapproché énormément, mais lui, il est assez tout au niveau de la psychologie, il a quand même fait un grand pas. Oui, entre autres que ceux-là, effectivement. Oui. Donc, c'est un phénomène qui a déjà été intuité ou appréhendé depuis déjà des années ou des décennies. Oui, avant, tu avais une personne qui en parlait, présentement, c'est beaucoup, et surtout, c'est beaucoup plus d'auditeurs. Mais peut-être à la différence que ces gens-là, il y a 40 ans ou 50 ans, comme Aurobindo, ont intuité le phénomène supramental sur la Terre, et qu'aujourd'hui, l'homme est en train de le vivre. Oui, c'est ça. C'est beaucoup plus de ça. Pour ça, je te dis que lui qui est seul, maintenant, il y en a plusieurs. Beaucoup plus de public. C'est normal, l'homme en va vers ça, puis l'homme commence à le comprendre, puis l'homme va aller voir. C'est pas le choix. Qu'est-ce qui caractérise un individu, une personne qui commence à vivre la pénétration de l'énergie supramentale? Ben, comme je te dis, à un moment donné, il y a une étape, ben, premièrement, il faut faire un discernement entre l'astral et le mental. Ça, c'est pas le choix. Ça, c'est enclin à ça. Ça va vers ça. Puis quand ça, c'est fait, ben, automatiquement, on appelle ça l'intuition, on appelle ça, bon, différents noms pour essayer de définir ça, qui amène quand même toujours à des formations. Puis, à un moment donné, l'astral peut jouer le rôle du supramental. Il y a un moment donné où c'est qu'il y a un signe, parce que justement, tu as des possibilités de savoir, des connaissances qui te sont données d'un coup. Mais ces connaissances-là, qui peuvent venir justement de l'énergie lumineuse, de l'énergie intelligente, donc du supramental, mais ces connaissances-là peuvent encore venir de la mémoire de l'astral, mémoire de phénomènes similaires qui sont arrivés, puis automatiquement une connaissance qui est donnée à l'homme, la mémoire de la salle, de t'emparer de la connaissance, ça vient te donner cette connaissance-là. Alors, il y a l'époque intermédiaire aussi que toi, tu as l'impression, comme on dit, que tu es connecté, sauf que tu es connecté à la salle. Tu vas dire des choses absolument réelles, absolument extraordinaires, absolument merveilleuses, tu vas ramasser un public extraordinaire, puis à un moment donné, tu vas commencer à sortir des mots, tu m'en dis. La salle va tout là, va jouer le jeu, puis elle va récupérer tout le monde. Tout est ramené à la salle. Mais une phase qui, en termes de conférencier de narrateur, qui s'amène des fois à réfléchir sur la profondeur des choses que tu peux dire. Pas souvent on dit que tu as le temps d'en parler. Alors tu peux donc être un canal pour une mémoire planétaire ou une mémoire canal, cosmique. Une mémoire ou un savoir cosmique, oui. Oui. Alors ça, c'est la phase intermédiaire, puis il y a un moment donné où c'est que tu te diriges de plus en plus vers le savoir cosmique. Mais c'est quoi qui caractérise... L'individu même extérieurement parlant? Par quoi est-ce qu'il se différencie d'une autre personne, quelqu'un qui est à un niveau de supraconscience maintenant? Bon, ben, il n'y a pas grand-chose. Pas dans l'état... Physiquement, émotionnellement, mentalement. Dans l'état... Qu'est-ce qui change? Bon, ben, c'est-à-dire qu'extérieurement parlant, il n'y a pas grand-chose qui change, parce qu'on est obligé de jouer le jeu de la population pour ne pas, justement, que, bon, c'est déjà arrivé dans d'autres époques, là. Tu dis bon, donc tu t'inclus. Oui, je m'inclus. On est obligé de jouer le jeu de certaines personnes, donc de faire comme si on était comme tout le monde, sauf qu'on est tellement conscient de ce qui se passe que c'est facile de jouer ça. Et à un moment donné, on ne pourrait plus le jouer, mais en même temps qu'on ne pourrait plus le jouer, à cause de transformations qui vont se faire au niveau physique, vital, astral, mental, puis maintenant au niveau supramental, ce qui va arriver, c'est que des événements, comme tout à l'heure par le monsieur, qui vont commencer à tourbillonner autour de nous, et nous, on ne pourra plus jouer le jeu, parce qu'on va être trahis par les événements même autour de nous. Alors, c'est que, il y a une partie intermédiaire où ça va bien. Si l'individu arrive dans un temps social trop vite à cette mutation-là, il est obligé d'aller se cacher. Il ne pourra pas la vivre dans une société ou dans une socialité comme on l'a présente. Mais pourquoi ça? Parce que l'homme va simplement vouloir le détruire. Il y a trop de formes implantées, des immenses formes, qui peuvent être gouvernementales, religieuses, qui peuvent être sectaires, qui ne pourront pas admettre quelque chose comme ça. Pourquoi est-ce qu'il est dangereux, cet homme-là? Il n'est pas dangereux, c'est-à-dire qu'il n'est pas dangereux dans le sens de l'évolution de l'humanité, mais déjà, il est dangereux en crime pour les freins à l'évolution de l'humanité. Il freine de toute manière, on le sent. Alors, c'est que quand cet homme-là, si socialement parlant, vit trop vite sa mutation, ben, cet homme-là, il n'y a pas le choix de faire qu'il se cache. Puis, on en a l'exemple, on a toujours eu l'exemple de personnes qui, à un moment donné, ont tout caché sous le voile de l'ésotérisme, qui ont été obligées de disparaître simplement de manière qui pouvait être comprise logiquement par la société extérieure, mais pas nécessairement de réalité. Et puis, il va venir à un moment donné, d'ici un an, d'ici 2 ans, que d'autres individus vont commencer à vivre cette mutation-là extérieurement parlant, vont commencer à transformer les événements comme l'homme présent ne peut pas le faire. Ces êtres-là, ben, vont commencer à. Ils vont pouvoir commencer à le vivre, mais pas encore dans nos grandes villes. Mais ça va commencer en campagne quand même. Qu'est-ce que tu as voulu dire tout à l'heure quand tu as dit on peut jouer astralement ou supramental? Je veux dire par là, c'est que l'astral connaît tout ce que je vis présentement, c'est enregistré au niveau de l'astral. L'astral a la connaissance égale à ce qui a été dit le plus élevé sur la Terre entière. Alors, si une moment donné, par exemple, un grand maître qui vient parler, qui donne une connaissance à un petit groupe, qui la donne verbalement, connaissance absolument dangereuse, extraordinaire, poussée ou n'importe quoi, mais l'astral s'en empare mémoriellement parlant. Ce qui fait que toi, à un moment donné, tu peux, par une conférence, tu peux être connecté à l'astral, tu vas dire la même chose au grand maître. Puis, on va dire franchement, moi, tu écoutes. Parce que ce que tu dis, c'est vrai. Mais, c'est juste dans le domaine astral, c'est dans la sphère de l'astral supérieur, un astral spirituel extraordinairement élevé, un astral supramental, où tu te crois, tu te prends pour, mais tu es toujours obligé d'aller à la source de ta connaissance pour venir la vomir en public. Si tu es réellement supramental ou en contact de temps en temps, ou si ton mental est arrivé à un niveau tel qu'il peut percevoir une vibration qui est supramentale, tu n'as pas besoin d'aller à la source de Bernard, d'aller à la source de cassette, d'aller à la source de voyage astral, d'aller à la source de méditation, donc à la source de la salle, pour pouvoir continuer à dire ce que tu veux dire. C'est la différence entre un pilote. Il y en a un qui est attaché à une source, il y en a un qui ne l'est pas. Mais celui qui est attaché à la source, il ne peut jamais s'en rendre compte, il est dans la salle, il joue le jeu de la salle, c'est comment ça. C'est le dernier piège, je ne sais pas s'il peut attendre ça. Bon, alors, comment diagnostiquer le supramental chez quelqu'un? Ben, c'est simple, quelqu'un qui est supramental, le sait, quelqu'un qui n'est pas supramental, ne peut pas le détecter. Mais ça n'empêche pas, parce que la personne qui est astrale peut être très bon. Ça n'a aucune importance présentement. L'astral joue ce jeu-là, mais il va perdre le jeu-là. Comment dire, nous fournit plus d'éléments pour pouvoir parler. Alors, celui qui serait assujetti par des forces astrales ou la mémoire planétaire qui voudrait traduire un langage supramental, donc il fourvoierait le monde, il y aurait un karma épouvantable certainement, en tout cas une loi de conséquence ou de retour. C'est-à-dire que tant que l'astral s'en empare au repos pour récupérer ceux qui décident astral, il n'y aura pas de karma planétaire ou de karma à vie. Mais à l'instant même, si vous commencez à prendre conscience du phénomène, ça commence à vouloir continuer de par son orgueil, de par tout le schéma astral d'émotion, bien là, évidemment, cette personne-là devient un handicap à l'humanité. Mais à la vitesse qu'on s'en va présentement, il n'y aura pas de personne comme ça qui va être assez fort faire ça. Bon, ils vont toujours pouvoir prendre certains individus, etc. Mais il va y avoir en masse de population, il va y avoir une masse de population qui ne se comportera pas. Parce qu'il va y avoir une masse de personnes type d'orateur. Ça va être très difficile pour le public de diagnostiquer, justement. Bon, alors c'est un danger dans le sens. Oui, c'est un danger d'un sens. Il y a une force qui tire vers le bas, puis une force qui tire vers le haut, mais si on n'a pas le discernement, si c'est impossible pour toi de diagnostiquer l'intelligence ou le supramental, l'homme est encore une fois livré à lui-même. Exactement, mais l'homme a toujours été livré à lui-même. C'est d'ailleurs, il faut que l'homme apprenne, c'est que c'est lui, il faut qu'il se prenne en main. Et si l'homme réussit à se prendre en main, qui tombe sur un narrateur qui est astral ou un narrateur qui n'est pas astral, il n'y a aucun danger pour l'homme, il se prend en main, il n'y a pas besoin de maître. Alors, dans le doute, il est bien mieux de s'abstenir et de garder une position de neutralité totale. Oui, mais il faut quand même qu'il aille voir quelque chose, si ça lui intéresse d'aller voir quelque chose. Sauf que, il est capable lui-même de prendre sa décision, l'homme d'aujourd'hui. Il n'a plus besoin de commencer à modifier son souhait. Je peux commencer à dire, faites-le bien. Mais bon, ils font le bien, mais ils font mal. On le sait. Bon, c'est pas fini, ça. Mais l'homme qui a besoin de ces choses-là, l'homme qui a besoin de s'ajuster le chemin, mais c'est ceux-là, plus souvent qu'autrement, qui vont s'amasser les disciples de ceux qui vont être astralo-mental, astralo-supramental. Mais quelqu'un qui est au niveau supramental ne forme pas de disciples, si je bien compris. Non. Il y a des personnes qui peuvent se décider du site de vouloir le suivre. Ils vont rancher en tabarouette. Ils vont manquer de l'argent. Ils vont comprendre. Ça, c'est eux. C'est eux autres qui vont souffrir le plus. Parce que ils ne suivent pas le bon maître en tout. Ils vont donner la libération, mais pas la libération que eux autres ont conditionnée à l'intérieur. Libération qui est inconditionnelle, puis qui va arriver. Et inconditionnelle veut dire aussi libération même de la source cubaine. Parce qu'il n'y a pas libéré. Est-ce que c'est tout ce processus qu'on appelle le passage de la cinquième à la sixième race qui est symbolisé par ce ouais, tableau? Oui, par l'arbre qui meurt, c'est à travers lui l'arbre qui meurt, c'est exactement ça. Il n'y aura pas de mort, mais tout le monde va voir une mort, tout le monde va avoir peur, tout le monde va se dire, mais comment qu'on va vivre si j'ai plus d'émotions? Non, si on va avoir des émotions, ça ne sera pas compris. Comment qu'on va vivre si j'ai plus de plaisir? Non, ça ne sera pas compris non plus. Comment qu'on va vivre si ça c'est l'arbre qui est tout le monde a l'impression qu'il meurt? L'homme qui s'en vient, l'homme de la sixième race, là, c'est quelqu'un qui va être créatif au maximum, mais différemment de ce qu'on a dans la cinquième race, c'est quelqu'un qui non seulement va être créatif, mais qui en plus va pouvoir. C'est différent de ce qu'on a là, on est tous brimés dans notre créativité continuellement. On a des bonnes idées, on essaie de faire de quoi? On n'arrive pas à créer, jamais comme qu'on va créer d'ici. Alors la sixième race, c'est quelque chose justement qui va, être transmuté, va être absolument différent. Pas physiquement, mais différent en termes psychologiques, en termes mentaux, et en termes aussi de ce qui va l'entourer comme événement. Ce ne sont pas pantoute comme on est là. On va peut-être être le jeu, mais c'est un jeu de fun. Là, c'est un jeu qui n'est pas le fun de pantoute. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter en guise de conclusion? Conclusion, oui. Est-ce que tu vas donner une autre conférence ici au centre? Oui, jeudi prochain. Le jeudi prochain, je vais. De toute façon, à toutes les fois, jeudi maintenant, je vais donner une conférence ici au centre. Alors, jeudi prochain, je donne une conférence. Ça va être réellement la psychologie de l'illusion. Trois semaines après, ça va être les mécanismes de la peur. Trois semaines après, ça va être la psychologie de la libération. Mécanisme piège, dangereux, justement, pour l'homme. Puis, je vais avoir un animateur avec lequel je vais pas m'amuser, Michel Rapide. Et puis oui, on va du fun. Fait que on va commencer à aller plus en profondeur, puis plus en termes pratiques. Les jeudis qui vont venir, puis le prochain jeudi, c'est jeudi de la semaine. Puis la psychologie de. Eh bien, c'est un rendez-vous qu'on se donne, Daniel, et puis on te remercie bien gros. On rappelle ton séminaire qui aura lieu la semaine prochaine. Il me reste 5 places, alors je ne sais pas. OK. D'accord, en tout cas, c'est enregistré pour le vidéo et pour la postérité. Merci beaucoup, Daniel. De rien. Merci de votre attention.